Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Source de vie. Source de vie. Source de vie. Mon sauveur bénis-moi. Quel numéro? 160. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Dimanche prochain, si le Seigneur permet, la deuxième fois, on va travailler vraiment bien, on va prier. Donc, rendez-vous ici donc dimanche à partir de 13h pour qu'on ait le temps de bien travailler et de bien prier, n'est-ce pas? On est d'accord, non? 13h, c'est tôt? 13h, c'est pas bon. Mais il faut admettre que c'est glacé ici comme la chaleur. Hein. Bon, posez les questions. Avant qu'on commence. Y a-t-il des questions? On va commencer comme ça. Donc, pour que les gens posent des questions. Aline, y a-t-il des questions? Vous avez eu à parcourir les versets que vous avez été donnés, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ça, c'est quand il pose la question, c'est individuel. Parce que le travail est individuel. Quand vous avez lu les versets, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit pour vous personnellement? D'accord, au travers de ces passages-là. Qui cherche tout le problème? Pour toi, c'est. Donc, quand tu as lu le proverbe, tu as compris qu'on parle de toi. Même dans les songes. Même dans les songes. Tu querelles même dans les songes. J'ai vu la chose et j'ai compris. Vous voyez le problème? Donc, raconte-nous ton songe alors. C'est vrai que je ne me rappelle pas bien. Je savais qu'il y avait une situation et que je parlais beaucoup. Il y avait même plusieurs choses que le Seigneur m'a montré dans le songe là. Donc, là, je n'arrive pas à supporter quand on m'offense. Oh. Quand il y avait cette scène-là, je n'arrive pas à supporter quand on m'offense. Et aussi, regarder les connards. Tu fais comment l'opter et puis tu fais comment pour garder quelqu'un à l'intérieur. Bon, ok, donc en lisant dans la Bible devant toi, tu savais que c'est de toi qu'on parle. C'est ça. En dehors de ça. Par rapport au songe. Mm-hmm. Vous attendez là-bas. Hein? Vous avez commencé. Il n'y a pas où là maintenant. La porte là n'est pas fermée. Il faut fermer alors. Fais-le entre, tu fermes. Viens t'asseoir ici, non? Tu t'assois bien. Tu es bien là-bas. Tu peux t'asseoir là-bas. Scène de jalousie. Bon, pas scène de jalousie. Ah, tu l'as, comment tu l'as enfermé dehors? Ce sont ces choses pendant ces lectures. La sœur de Laïm est dedans. Moi, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas. Peut-être comment t'as vu. Je suis venu. Maman. C'est chaque verset me parlait. Donc. Et quelle est ton expérience quand ça te parle? Il voulait dire quelle est la réaction. Quand vous êtes en face de cela, quelle est la réaction? Avant ça, j'avais d'abord plusieurs questions que je me posais. Mmh. Il y a une fois, tu as dit qu'on doit chercher les causes au fond de nos échecs. Donc, il y a beaucoup, et ça a commencé pour moi par là. Et pour moi, ça a commencé par là. Parce que j'avais commencé justement à méditer par rapport à ça. Mm-hmm. Et le Seigneur m'a dit beaucoup de choses par rapport à ça. La première des choses qu'il m'a dit, c'est que je. En gros. C'est que je marchais par la chair et que maintenant je dois marcher par l'esprit. Et que maintenant je dois marcher par l'esprit parce que je manquais de sagesse. Donc je suis entrée dans un travail, j'ai commencé ce travail-là justement pour demander au Seigneur de me donner de marcher par l'esprit et non plus par la chair et puis d'être sage. Bon, quand le travail à arriver pour le jeûne, le thème du jeûne me parlait beaucoup parce que j'étais dans cet état d'esprit où je recherchais le nettoyage profond. Donc ça exprimait encore tout ce que j'avais dans mon cœur. Donc ce qui fait que moi je me suis jetée à l'eau. Ah oui, je me suis jetée à l'eau. Bon, déjà, le Seigneur m'a donné certaines clés. Par rapport à la marche par l'esprit. Voilà ce qui m'a comme astuce comme clé. Que chaque fois que je fais face à une situation, je dois me poser cette question. Comment agirait Jésus-Christ, mon Seigneur, dans cette situation? Et la réponse qui me vient, il faut qu'elle aille dans le sens de la parole. Donc, pour que j'agisse comme le Seigneur Jésus-Christ, il agirait. Et comme ça, je marcherai par l'esprit. Donc ça, c'est une réponse qu'il m'a donnée. Et puis pour le reste, il m'a demandé que si je manque de sagesse, il faut que je lui demande. Il va m'en donner. Donc j'ai ainsi commencé ce travail. Bon, par la suite, il m'a montré beaucoup de choses. Il a fait ressortir beaucoup de choses en moi qui, pour me faire comprendre que par ces choses, si c'est la chair qui réagissait, oui. Donc dans mon comportement surtout, je me fâche beaucoup, je me fâchais beaucoup, je criais beaucoup. Là maintenant tu te fâches plus. Ça a beaucoup diminué quand même. Il y a quand même, si tu es tard là, tu vas te fâcher. Je vais réagir quand même de façon violente. Donc ça veut dire que le travail, Dieu en est de nettoyer, n'est-ce pas? Oui. On avance. Donc, beaucoup de choses que je sache laisser tomber les trucs. Parce que je m'approchais aux choses, donc que je laisse tomber. Et que je parle moins, et que j'écoute beaucoup plus, et que je n'ai réagi pas, mais tu m'as exposé à l'intérieur pour que je me réagisse. ça c'était ce qu'il me disait par rapport à mon comportement. Mm. Donc pour le travail, chaque, je vous ai dit que chaque verset me parlait. Mm. Quand il a parlé. C'est vrai que vous allez travailler de connivence maintenant pour que ce qu'elle a obtenu comme travail plus bénir les autres et que vous partagez ainsi. Mm-hmm. Dans Job, il m'a d'abord fait voir l'intégrité de Job. Et au travers de l'intégrité de Job, j'ai constaté que je n'étais pas intègre. Donc son intégrité m'a défié. Et puis, tout ce que Job a eu par la suite comme souffrance, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas péché. Et ça aussi, ça m'a. Parce que moi, quand je passais plutôt une souffrance, j'étais venue m'engueuler avec Dieu. Donc, le fait de voir, ça m'a montré l'attitude qu'il faut avoir. Job, il n'avait pas péché pour se retrouver dans cette situation. Mais moi, je peux avoir une... j'avais beaucoup de péchés qui pouvaient justement justifier ce que je avais, les difficultés par lesquelles je passais. Donc, il y a deux choses d'intégrité de Job, parce que maintenant, je veux être intègre. Et il y a le fait aussi que la souffrance que Job a vécue, si on doit souffrir normalement, c'est pour Dieu, pas pour nos corps. Donc j'ai aussi appris de ça et qu'on ne doit pas se plaindre parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc il y a ça. Et il y a aussi le fait que j'ai vu la confiance que Job avait envers Dieu. Sa confiance ne dépendait pas des biens que Dieu lui donnait. Elle avait les biens matériels, elle avait les biens humains. Ses enfants étaient des biens pour lui. Et ce qu'il possédait comme richesse. Et en un jour, il perd tout. Mais sa confiance en Dieu demeure. Ça n'a pas bougé. Mais il y avait aussi ça. Parce que le Seigneur m'a montré au travers de ça que je suis accrochée au matériel. Donc il faut que je me détache complètement et que je sois comme. Donc tout doit être pour lui. Et que il n'y a rien qui doit m'arrêter. Ni les hommes, ni le matériel. Donc je ne dois pas m'accrocher sur un homme, je ne dois pas m'accrocher sur un bien matériel. Mais il y a ça aussi. Donc je dois toujours regarder à lui et lui faire entièrement confiance. Parce que là, il a insisté sur la confiance. Et arrêter les plaintes. Arrêter les plaintes. Oui, parce qu'il m'a parlé des plaintes. Job ne se plaignait pas pour pourquoi j'ai perdu ceci, pourquoi j'ai perdu cela, non. Il ne s'est pas plaint de ça. Par contre, moi, je me plaignais beaucoup. Oui. Donc, il m'a demandé d'arrêter les plaintes. Parce que tout ce qui arrive, ce n'est pas sa volonté. Donc, j'arrête de me plaindre. Bon. Et ensuite, il m'a réitéré que, en toute chose, avant d'agir, je dois, dans toutes les circonstances, je dois le consulter. Et ça, c'est ce que je ne faisais pas. Je faisais souvent comme ça. À ta tête comme ça? Oui, je le faisais comme ça. Le jour où je veux, je consulte. C'était pas ça. Donc, il a dit que toujours consulter Dieu avant d'agir, quelles que soient les circonstances, il faut que ce soit ce qu'il veut que je fasse. Ce qu'il décide, que ça me plaise ou pas, que ce soit ça que je fasse. Donc, ça. Par rapport, il a aussi attiré mon attention par rapport à la femme de Job. Elle a été une porte par laquelle le diable voulait que Job maudisse Dieu. Donc il a attiré mon attention que je ne sois pas ce genre de femme-là. Lui. Donc, j'ai aussi noté ça. Dans Esther, il m'a montré deux femmes. Vashti. C'est qu'elle était Vashti qui se sentait comme elle était trop belle, orgueilleuse et tout. Et elle n'était pas soumise à son mari. Et ça, l'insoumission là, c'est que ça conduit à son déshonneur, à sa disgrâce, à vous connaissez l'histoire de Vashti. Et l'exemple qu'il m'a demandé de suivre, c'est Esther. Esther était une personne soumise. Parce que quand on voit déjà avec Mardoché comment elle lui était soumise. Et on voit aussi comment avec son mari, elle était soumise. Donc, et il m'a dit que cette soumission-là attire les grâces. Donc, si je n'ai pas les grâces dans ma vie, c'est parce que je ne suis pas soumise. Je n'obéis pas entièrement. Que je me mette dans l'obéissance et je vais voir cette grâce-là. Ça, c'est ce qu'il m'a dit de façon personnel. Donc, je suis maintenant en train de travailler justement parce que moi je veux les grâces dans ma vie. Ça m'a bouleversé de voir que ce que je recherche, il fallait juste savoir qu'il faut faire ceci pour que ça vienne. Oui, dans la méthode pour obtenir, c'était la soumission et l'obéissance. Donc, et il m'a aussi montré dans Esther les bienfaits du jeûne, comment le jeûne a produit la délivrance du peuple juif. Esther a juste jeûné 3 jours. Moi, je suis dans 1 mois, peut-être avant même ça. Donc, si je suis bien dans mon jeûne, ça va ouvrir les portes. Donc, il y a aussi les bienfaits du jeûne, ça va être les bienfaits du jeûne. Dans Matthieu 5, il a attiré mon attention sur le vestimentaire. Matthieu 5, 27 à 29. Ce que j'ai noté, c'est que la femme doit toujours être entièrement couverte et qu'elle ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Donc, je dois veiller à ce que je porte pour que quelqu'un ne dise pas que c'est parce qu'il m'a vu comme ça. Il a vu peut-être mon épaule, c'est pour cela qu'il a convoité. Donc, il a tiré mon attention sur ça. Et pour Anne, ça revenait avec Esther, la soumission, l'amour qu'elle avait pour le Seigneur, ça ne dépendait pas de l'enfant. Puisque si c'était seulement l'enfant qu'elle voulait, après avoir eu l'enfant, elle n'aurait pas eu le courage d'aller remettre cet enfant-là. Donc sa foi n'était pas sur l'enfant, c'était en Dieu. Puisque dès qu'elle a sevré l'enfant, elle a encore allé remettre l'enfant à Dieu. Donc, alors que c'était ça l'objet de sa prière. Donc ça montrait en sorte que moi j'ai compris que ce n'était pas ça qui faisait sa foi, le fait d'avoir un enfant, mais c'était réellement sur Dieu. Et quand j'ai lu le cantique de Anne là justement, le Seigneur a montré au travers de ça que Anne avait une intimité avec Dieu. Parce que quand on lit les passages de ce cantique, on voit que ce qu'elle dit là-dedans, si quelqu'un n'est pas proche de Dieu, il ne peut pas voir ces choses et dire ça tel qu'elle a dit. Donc, c'est un autre exemple à suivre. Et il a attiré mon attention sur quelque chose, les motivations de mon cœur. Qu'il faut que les motivations de mon cœur changent, justement par rapport à l'histoire d'Anne. Que quand je vais devant le Seigneur, que je regarde les motivations de mon cœur, il faut que les motivations de mon cœur soient pures. Et j'ai commencé à travailler justement maintenant pour que ces motivations soient pures, que ce soit ce que le Seigneur a créé. Donc, et il m'a aussi dit que honorer le Seigneur, c'est marcher et pratiquer ce qu'il dit. Si tu ne le fais pas, tu le méprises. Oui, si tu l'honores, tu obéis. Tu n'honores pas, tu méprises Dieu. Bon. Dans 1 Samuel, non, dans 1 Pierre 3, là le Seigneur m'a dit que c'est un ordre, hein, d'être soumise à son mari, c'est un ordre. Donc c'est pas que est-ce que je veux ou je ne veux pas, parce que c'est un ordre. Et que cette soumission-là, même si la personne était comment, il a montré que ça peut changer la personne. Donc la rendre, parce que j'ai écrit que la bonne conduite d'une femme envers son mari va le sauver, le gagner par la parole, donc par son attitude, parce qu'il faut que cette parole-là, que ça transparaisse au travers de son attitude, au travers de la soumission qu'elle aura vis-à-vis de lui. Et il a appuyé sur la chasteté, donc se préserver son corps par rapport à la chasteté, être réservé, donc que je dois être une femme discrète. Réservée, discrète, ne va pas être ici, discrète. Et il a attiré l'attention sur la parure de la femme que Dieu agrée, un esprit doux et paisible. Il a dit que c'est un grand prix. Et le mot grand prix m'a arrêté. Donc j'ai dit qu'un esprit doux et paisible, c'est d'un grand prix pour le Seigneur. Alors il faut que je fasse tout pour avoir cet esprit doux et paisible. Parce que ça représente quelque chose qui coûte cher devant le Seigneur. Donc c'est important. Et il faut que je recherche ça. Parce que voilà les choses que Dieu a agréées. Et c'est de ça que sont parées les femmes qui craignent Dieu. Donc c'est une parure. avoir un esprit doux et paisible pour le Seigneur, c'est une parole. Oui. Donc il faut que je recherche cette parole-là et que je me parle de ça. Il a continué par on doit être rempli d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ça, je ne comprenais pas bien chaque thème. Donc, quand je prie, il essaie, il me montre au travers de certaines actes qui arrivent, de certaines situations que j'essaie de comprendre parce que je ne comprenais pas bien. Et il m'a aussi dit, parce que dans le même 1 Pierre 3, quelque part, on dit que, la parole dit que, si on veut voir des jours heureux, c'est aussi comme une clé. On veut voir des jours heureux, il faut préserver notre langue du mal. Oui, et moi je veux voir des jours heureux. Donc le Seigneur me dit, si tu veux ça, il faut faire ça. Oui. Donc maintenant je sais que pour avoir des jours heureux, il faut que je préserve ma langue du mal. Il faut que je m'éloigne du mal, je recherche et je poursuive la paix. Oui, parce que quelque part, je ne comprenais pas bien le terme rechercher et poursuivre la paix. Mais il m'a donné certains détails que, quand je vais exposer, il allait aussi me compléter. Oui. Il a dit, parce que ses yeux sont sur les justes, donc sur ceux qui font ce genre de choses. Ses yeux sont sur eux et il écoute leurs prières. Donc si le Seigneur n'écoute pas les prières, il faut que je me voie à quel niveau je ne fais pas ça. Si je fais ça, je suis sûre qu'il écoutera mes prières. Dans Juge 14 ou 19. 19 d'abord. 21. Là, il m'a montré comment une femme infidèle a entraîné la guerre dans le peuple de Dieu et dessiné presque une tribu. Donc, l'infidélité, ça il faut bannir. Oui, parce que ça entraîne que le mal, donc ça va même tuer les gens. Donc, il faut bannir. Et l'infidélité, les conséquences, parce que c'est des conséquences terribles, parce que si ça entraîne les morts d'hommes, ça veut dire que les conséquences sont terribles. Donc, il a attiré mon attention sur ça. Et qu'il a dit qu'il ne faut pas que je sois, il a encore réitéré, un instrument que Satan utilise pour faire chuter les gens ou bien son peuple. Que je ne sois pas un instrument que Satan utilise pour faire chuter. Bon, parce que je me suis rappelé de son entraînement, je disais que la femme, c'est l'arme suprême de Satan. Donc c'est revenu quand j'ai écrit ça à côté parce que c'est l'arme suprême. Dans Juge 14, une femme qui trahit son mari. Donc c'est toujours une sorte d'infidélité. Elle a aussi attiré mon attention qu'elle a été un instrument entre les mains du diable pour nuire à son mari. Oui. Et dans 1 Samuel 21, de 1 à 5, moi, quand j'ai lu, voilà ce qui est venu dans mon esprit. Quand ça vient du rapport sexuel, mais le rapport c'est quelque chose qui est bien. Voilà ce que moi j'ai retenu. Donc, ça c'est ne pas être fini. Dans type 2, de 3 à 5, il a attiré mon attention sur la femme âgée. Il faut que j'aie exactement moi, que j'aie exactement toutes les qualités d'une femme âgée. Donc, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, bon, cela je ne vois pas, bon, j'ai plutôt médisant. Donner de bonnes instructions. Et moi, ma prière était, il faut que j'ai d'abord ça, que je vive d'abord ça de façon personnelle. Oui, avant de donner une bonne instruction, il faut que je vive d'abord ce oui, pour que ça puisse être vrai, pour que ça puisse honorer Dieu. Donc, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, si je suis mariée, il faut d'abord que j'aime le mien, que je sois à l'exemple. À être retenue, est-ce que je suis retenue? À être chaste, occupée aux soins domestiques. Là, il m'a fait voir ce que la femme doit faire en général. Si elle doit, déjà la mise extérieure doit être parfaite. Et en plus, son attitude, Elle doit être retenue, chaste, occupée aux soins domestiques. Bon, elle a des choses à faire, elle doit s'occuper de ça. Être bonne, il faut que je vérifie que je suis bonne, bonne selon le Seigneur, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc si je ne fais pas ça, je blasphème la parole de Dieu. Donc une femme qui ne fait pas ça, blasphème la parole de Dieu. Seigneur, ce n'est pas seulement sorti de la bouche, c'est pas l'attitude aussi, on peut blasphémer. Donc il a attiré mon attention sur ça également. Et il m'a dit que ce sont là les qualités. Il a dit retenu, chaste, s'occupant de sa maison, bonne, soumise à son mari, honore Dieu et la parole. Ce sont là les qualités d'une bonne femme selon le Seigneur. Et puis dans 1 Thessaloniciens 4, 3 à 6, il dit, je dois posséder mon corps dans la sainteté, c'est ça me sanctifier. Donc posséder mon corps dans la sainteté, sans me livrer à une convoitise passionnée. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait dire par convoitise passionnée. Et ça, c'est sa volonté, parce qu'il dit ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, je ne dois pas livrer mon corps au péché. Je dois être chaste et non impudique. Et aussi par la suite, je ne dois pas être malhonnête ou cupide. Mais dans 1 Corinthiens 11 et 14, d'abord le 11, la tenue, les instructions par rapport à la tenue de la femme dans l'assemblée. Et l'homme est le chef de la femme qui prie. Bon, la femme doit toujours être voilée. Moi, j'ai mis la femme doit toujours être voilée. J'ai d'autres questions par rapport à ça. Je vais poser les questions. On doit se remettre toujours en question parce qu'on parle de ça. Nous devons nous juger nous-mêmes afin de ne pas être jugés. Donc on doit se remettre continuellement en question pour regarder nos voies. Si on est toujours dans la voie du Seigneur. Dans 14, il dit rechercher la charité. C'est ça qui m'a retenu dans ça, rechercher la charité. Ça, je travaille encore pour bien comprendre. Mais il a dit que je dois rechercher la charité et que la femme doit se faire dans la famille. Donc ça, c'était pas un problème pour moi, c'est déjà. Ce qui a attiré mon attention parfois, c'est que si elles veulent s'inscrire, qu'elles interrogent leur mari à la maison, elles demandent au Seigneur de bon. Donc ça veut dire que le mari, là, à la maison, il doit connaître la parole pour inscrire sa femme. Donc, j'ai d'autres questions par rapport à ça. Vous voyez que j'ai besoin de 2 pages de questions. Dans Apocalypse 19, 6 à 8, bon, là, je vois 2 comparaisons. Il dit la femme épouse du Seigneur Jésus, que c'est la femme que nous sommes l'épouse de quelqu'un. Bon, la femme représente l'épouse du Seigneur. Elle doit être parfaite pour les noces dont elle doit se préparer. Cette préparation consiste en sa chasteté, sa pureté, qu'elle soit retenue, obéissante, soumise à son mari, et qu'elle ait la parure dont on parle dans 1 Pierre 3. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Elle doit aussi avoir les qualités de la femme âgée. Il m'a dit que c'est en ça que consiste cette préparation-là. Donc la femme doit avoir toutes ces qualités-là. Elle doit être revêtue de ça. Donc moi, j'ai compris que c'est ça le vêtement de prendre l'intel-là. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est les questions que je me posais. Mais c'est ce que j'ai ressenti dans mon esprit, que le vêtement que Dieu attend de la femme et sa préparation, c'est qu'elle soit chaste, pure, retenue, obéissante à son mari, qu'elle est la parure de 1 Pierre 3, dont la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et qu'elle s'occupe à ses tâches d'homme. Elle a aussi les qualités de la femme âgée. Donc tout ça, elle doit avoir tout. Dans 1 Timothée, il me reparle encore sur la décence et la pudeur. Oui. Donc, je dois m'habiller avec décence et pudeur. Pudeur, ça veut dire que je ne dois pas avoir les parties de mon corps qui qui peuvent inciter à ce qui est impur, à l'impudicité exposée. Donc je dois tout couvrir. Et il dit par la suite que de façon modeste, donc pas le bling-bling, pas le mature vu, je m'habille pas plutôt dans les passes, tout le monde me regarde. Oui. Je m'habille pour être comme le Seigneur veut me voir, donc couvert entièrement. Donc, il a appelé que la femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. Dans Philippiens 4, 1 à 3, il m'a parlé sur l'amour. Bon, là c'était l'exemple de Saint-Tiché. Elle avait des sentiments pour elle. Et le Seigneur disait qu'elle doit être dans le même sentiment. Donc, moi j'ai un problème personnel par rapport à ça. Donc, il m'appelait à avoir le même sentiment. Donc, je travaille encore par rapport à ça, parce que je n'ai pas tout compris. Donc, je suis en train de travailler pour ça. Et puis aussi le fait que le fait de rechercher la réconciliation pour deux personnes, c'est quelque chose que Dieu approuve. Parce qu'il le dit aussi dans ce passage-là. Parce qu'il exhortait ou bien des filles à les aider, à se mettre ensemble. Dans Éphésiens 5, 22 à 32, là alors il m'appelle. La femme doit être soumise à son mari en toute chose. Moi, c'est en toute chose là. J'avais apporté la solution, mais je n'avais pas remarqué en toute chose. J'avais des questions comme ça parfois à ça. En toute chose. Et il m'a fait comprendre qu'une femme qui est soumise à son mari ne peut pas être soumise au Seigneur. Oui, il m'a fait comprendre ça. Donc, pas comme une soumise, ça montre son niveau spirituel par rapport avec Dieu. Juste à regarder son instruction, on sait, on connaît déjà sa relation avec le Seigneur. On sait que la rébellion est aussi rebelle avec Dieu là-bas, elle ne se soumet pas. Donc, elle est même incroyante. Parce que ma fille, quand elle se soumise à son mari, elle est une incroyante. Et elle ne croit pas Dieu. Et là encore, en montrant ça, elle m'a montré comment la femme, l'épouse de Dieu, comment elle doit lui être soumise. Et c'est comme ça aussi que cette soumission-là, il attend aussi de nous, vis-à-vis de nos maris. Et en toute chose, parce que l'Église, l'Épouse du Seigneur, lui est soumise en toute chose. Et quand il ordonne, elle obéit seulement. Elle se pose pas la question, elle obéit seulement. C'est ce qu'il attend de nous. Voilà, quand il parle du fait que le mari doit aimer sa femme, il prend l'exemple sur le fait que lui s'est donné en sacrifice. Donc, le mari doit se sacrifier comme ça. Ce que j'ai compris, c'est aussi être comme quelqu'un qui se sacrifie pour sa femme. Et c'est en cela que consiste l'amour qu'il doit lui porter. Afin de la sanctifier, ce que je comprends, écrivez seulement, mais j'ai encore d'autres questions par rapport à ça. Parce que j'ai écrit, c'est en cela que consiste cet amour, afin de la sanctifier par la parole. Et il me dit, c'est l'homme qui doit amener sa femme à être, à la sanctifier. C'est comme si c'est le travail, les démarches qu'il va faire dans le fait que tu s'approprierais l'aime. Ça va l'amener à être propre, pur, d'abord, comme le Seigneur attend, lui. Afin de faire paraître justement en elle cette femme glorieuse, sans tache ni rien de semblable. Donc on lui comparait à l'Église. Donc parce que lui s'est sacrifié pour son épouse afin qu'elle paraisse glorieuse, sans tâcher ni rien de salaire. Et il demande de lui mettre la même chose à l'homme pour sa femme. Donc en l'aimant, cet amour dont il parle va l'amener à atteindre ce niveau-ci. Être sans tâcher ni rien de salaire. Bon, là il m'a raconté un peu. Et il me dit, c'est en cela que consiste l'amour de l'homme mari vis-à-vis de son épouse. Et il dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. dirais qu'il doit la nourrir et en prendre soin. Comme Christ nourrit l'Église et en prend soin, parce que c'est son corps. Il lave l'Église, il purifie l'Église, il sanctifie l'Église, il nourrit l'Église, il en prend soin. Donc c'est comme ça qu'il attend que les maris prennent soin de l'Église. Il a encore dit quoi? Maintenant, Ruth. Dans Ruth, il m'a montré quand même deux aspects. Comment Ruth n'était pas d'Israël, mais elle a abandonné ses dieux pour suivre, dans ses idoles pour suivre le vrai Dieu. Et elle s'est attachée à lui. Elle a marché dans ses voies parce qu'on voit le respect qu'elle avait vis-à-vis de sa belle-mère et la soumission même dans son attitude. Et ça attirait les faveurs, et ça attirait les faveurs des autres vis-à-vis d'elle. Mm-hmm. Donc il m'a montré le fait qu'elle a abandonné ses dieux pour suivre le vrai Dieu. Et puis il m'a aussi montré l'attitude de Naomi. Elle a eu l'attitude d'une femme âgée parce que grâce à ses conseils, elle a su orienter. Donc elle avait justement l'attitude de la femme âgée ici. Et Ruth était vertueuse. Il y a ce mot-là qui m'a aussi. Il était bien mental pour la vertu de Ruth. Et comment elle était obéissante et soumise. Elle, par ça, elle a compris le cœur de Boaz. Par son obéissance à soumission, le fait qu'elle était réservée pour sa vie. C'est un exemple à suivre, c'est ce qu'il m'a dit. Dans 2 Samuel 11 et 20, c'est 15 à 22. Bon, dans 11, il attire mon attention sur la légèreté d'une femme. Et ce que ça a conduit. Elle n'était pas allée se laver sur les bois. Ça n'aurait pas conduit ce que ça a conduit par la suite. Donc, elle a exposé sa nudité. Et comme d'habitude, c'est en train de jouer les conséquences des affaires, mort, ruine, tout ça. Donc il a attiré mon attention sur ça. Il a attiré dans le chapitre 20, 15 à 22, il me montre ici la sagesse d'une femme. Et comment elle a fait preuve de sagesse et elle a sauvé des gens, toute une ville qui était destinée à être détruite, oui, par sa sagesse. C'est elle qui allait parler aux hommes. Donc, elle a fait preuve de sagesse. Donc, elle a attiré mon attention sur sa sagesse. Et j'ai les questions par rapport. Parce que justement, ça, c'est une attitude que Dieu approuve. Et moi, alors, je veux savoir comment être sage de cette façon-ci pour être approuvé de Dieu. Donc, j'ai aussi les questions par rapport à ça. Dans Néhémie, il me montre comment une femme, toujours les femmes, entraîne le serviteur, le Dieu au péché. Les femmes qui ne craignent pas Dieu, c'est de ça qu'elles sont capables. Il a attiré mon attention sur ça. Dans Apocalypse 17, 1 à 10, toujours la femme prostituée. Donc c'est quelque chose que Dieu vraiment. On en parle tellement, à un certain moment, je me suis arrêtée comme ça, je me suis dit, mais la femme d'Israël avoir de la suite parce la terre, parce que le diable, elle est, on ne vaut pas la peine, mais après, le Seigneur a enlevé cette partie de ma tête. Parce qu'elle est toujours, quand on parle de prostitution, c'est qu'elle est toujours en train de t'entraîner pour faire ce qui n'est pas bien. Dans Job, en 9 à 10, la femme séductrice. Moi, j'ai dit que c'est une victoire. Donc. Et il m'a aussi attiré l'attention sur le fait que le péché sexuel déshonore la femme. Ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a blessé même. Mais c'est la vérité, c'est quelque chose que je ne savais pas. Que quand une femme se livre au péché sexuel, elle est déshonorée. Mais ça m'a beaucoup. Dans Ecclésiaste 7. 26, 29. Le cœur de la femme peut être un piège. C'est pour les prostituées. Donc ça aussi, là. Moi, je voulais même suivre l'identité de femme quand elle disait ça. Dans Esaïe 49, 15. Bon, là, c'est, ça m'a reconforté parce que là, en fin de jeu, je disais que même si tu, moi, je lis le fruit de mes enfants, lui, ne m'oublie pas. Ça a été un reconfort. Et même dans Isaïe 54, 6, là où il dit que il te rappelle comme une femme délaissée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi reconforté. Et puis dans Lamentation 3, moi j'ai mis 3:40, ça t'a même pas vu. C'est 4:10, non? C'est 4:10. C'est quoi? C'est quoi? J'ai constaté des choses, 4:10. Lamentation, chapitre 4, verset 10, au lieu du chapitre 4, verset 40. Dans Osée 4, 14. 12, 4, 14. Bon, c'est toujours la débauche là-bas. La débauche éloigne de Dieu. Moi, c'est ce que j'ai noté. Et dans 12, 13, comment une femme peut assujettir un homme? Ça, c'est ce que j'ai noté là-bas. Parce que dans, les, dans la description qu'on fait, qu'on voit là-bas, c'est une femme, la manière qu'une femme peut assujettir un homme. Donc, à éviter. Donc, dans Proverbe 9, 13, une femme brillante est folle. Donc, il a tiré mon attention. Quand je parlais beaucoup avant, là, il faut que je sois plus brillante. Sinon, je suis folle. Parce que si je parle, donc, je me vois comme une folle. Bon, il m'a rappelé que je dois être réservée. Je ne veux pas être folle, il faut que je sois réservée, retenue. Dans Proverbe, et puis le fait d'être retenue, je dis que les bavardages, je dis le Congo, ça, les machines de colportage, donc ça nous préserve aussi de beaucoup de péchés. Dans Proverbe 11, 16 et 22, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Bon. Dans ma méditation par rapport à la grâce là, ça m'a ramené à connaître que je, moi j'ai des questions encore par rapport à ça. Donc je vais poser mes questions. Donc vous comprenez qu'il faut que dimanche prochain on travaille vraiment bien, n'est-ce pas? Particulièrement, on commence 13h, on commence. On travaille jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. N'est-ce pas? Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Dans le verset, dans le chapitre, parce que c'était Proverbe 11, verset 16 et le verset 22. Une femme belle et dépourvue de sens est un anneau d'or qu'on met au nez d'un porc. Wow. Vous avez lu ça, n'est-ce pas? C'est pas moi qui écris, pas vrai. C'est pas le pot de poule, c'est pas la misogynité, non? Non, franchement, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Oui, c'est ce que moi j'ai compris. Elle est même insensée, bête même. Donc. Il faut que je cherche presque pour ne faire que ce genre de femme. Dans Proverbe 12, 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Elle fait l'honneur de son mari. Ce mot vertueux m'a arrêté. Parce que quand tu es vertueux, tu es une couronne. Donc il faut que je cherche à être vertueux pour être une couronne. Voilà ce que moi j'ai retenu. J'ai des questions par rapport à ça. Parce qu'elle fait l'honneur de son mari. Il est honoré à cause d'elle. Donc, voilà ce que j'ai retenu là. Dans 14, verset 1, la femme sage qui bâtit sa maison. Je veux connaître cette sagesse pour bâtir la maison. Parce que le contraire, c'est que c'est la folle qui détruit. Je ne veux pas être folle. Bon, la femme sage, là, je veux connaître cette femme sage, là. Je ne veux pas être insensée ou détruire. Bon, maintenant, dans Proverbe 16, 6 à 7. Là, je sais que c'est un secret, une clé. Parce qu'il dit que c'est pour expier. Pour expier l'iniquité. C'est en étant bon et fidèle. Donc, moi j'ai vu ça comme une clé qui ouvre une porte. Donc, pour expier l'iniquité qui est en moi, il faut que je fasse ça, que je sois bonne et fidèle. Et moi, je veux savoir ce que c'est que cette bonté-là. Donc, j'ai posé des questions par rapport à ça et cette fidélité par rapport à Dieu pour justement vivre ce qu'il dit là. C'est tout un cahier là. Avec big bleu, big noir, big rouge, big vert. Mais c'est bien. Dans Proverbes 6 et 7, il attire mon attention sur les promesses. Si j'ai fait une promesse à quelqu'un, la manière dont je dois me délier de cette promesse, c'est comme une corde au cou. Donc il faut que j'aille vers la personne. Hein? Parce qu'il a ici, il a dit ici se prosterner devant la personne en suppliant la personne pour que la personne nous en dégage. Oui. Donc c'est l'attitude vis-à-vis des promesses. J'ai prié dans ma tête pour voir. Parce qu'il était prêt à aller faire ça. Donc, jusque si elle n'a pas encore vu à qui j'ai fait la promesse. Donc, sinon, je serai allé faire ça. Il a aussi parlé de la paresse parce qu'il a attiré mon attention sur la foule. Je prends de l'exemple sur la fourmi. Donc j'ai compris qu'une femme ne doit pas être paresseuse. Parce que quand je regarde la fourmi, souvent quand elles sont chez nous, là, elles vont, elles montent toujours, elles descendent en permanence, elles montent toujours, elles portent les choses. Donc, il a dit qu'en les regardant, il faut que je prenne cette sagesse, leur sagesse là, enfin ce qu'elles font là. Donc je ne dois pas être paresseuse. Donc je sais maintenant qu'une femme ne doit pas être paresseuse. Dieu n'encourage pas ça. Et puis si j'ai bien noté, dans le verset de Proverbe, je crois, 16, 19, les sept choses que Dieu hait, qu'il a en horreur. J'ai bien noté ça au bout. Les yeux hautains. Bon, maintenant je contrôle mes yeux. C'est vrai qu'il y avait du sang en moi. La langue menteuse. La main qui répand le sang innocent. Le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre les frères. Ça, il a attiré mon attention sur la dernière partie. Il m'a fait voir que je le faisais dans certaines de mes attitudes. Souvent, je donnais un conseil. Pour moi, c'était un bon conseil. Mais ce conseil-là, quand ça allait, ça produisait autre chose. Dans la petite, ce que ça produisait après, il m'a fait voir ça dans plusieurs choses. Tu vois, tu as fait comme ça, au lieu que ça produise ça, ça a excité plutôt la querelle. Oui, comme par exemple, un exemple qui m'a fait voir, mon frère avait parlé mal à ma mère. Et je lui ai dit que ça, maman, tu supportes trop, pourquoi, il ne faut pas, c'est ton enfant, pourquoi tu laisses qu'il te parle comme ça? Hein? Pourquoi tu laisses ça? C'était pas un bon conseil, mais je me disais que il ne fallait pas qu'elle se laisse marcher dessus, mais plus tard, maman a alors pris ça et a dit que tu as raison. Quand elle est retournée chez mon frère, c'était plutôt la guerre qu'il y avait là-bas. Donc ça a excité la querelle. Donc maintenant, franchement, je préfère m'abstenir de parler si je n'ai rien à dire, je les regarde. Quand ils se gâtent là-bas, moi, ils les regardent en disant que c'est un pardon, oh, retiens-moi ici. Donc ça, j'ai noté ça pour avoir ça en permanence devant mes yeux. Pour que, parce que c'est des choses que Dieu a en horreur. Je dois les savoir pour regarder mon comportement si je ne marche pas dans ces voies-là. Pour que je sois en horreur à Dieu. Donc, je les lis en permanence pour que je ne lis pas. Il a parlé dans le verset, verset 13, le précepte. Est une lampe, l'enseignement est une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Donc, quand on te corrige, c'est pour te ramener sur le bon chemin. Ça, c'est ce que j'ai retenu. Dans verset 6, il a parlé de la femme prostituée encore et de ce que l'homme devient entre ses mains, son pain. Donc, même, j'ai seulement dit qu'à éviter, au moins à éviter. La femme mariée aussi, qui est infidèle, à éviter aussi, parce que ça revient souvent. Donc ça veut dire que... Et ici, le chapitre 7, je crois que c'est le verset 4, il dit, « Dis à la sagesse, tu es ma sœur. » Et moi, je veux connaître cette sagesse pour réellement lui dire que tu es ma sœur. Je veux connaître ce que le Seigneur entend, parce que c'est dans mes questions. Et appelle l'intelligence ton ami. Et je veux ça. Parce que justement, quand le Seigneur m'avait parlé dans les échecs spirituels, il a cité ces deux choses, la sagesse et l'intelligence. Il faut vraiment que pour moi, je les ai. Oui. Donc, dans le verset, dans 10 là, il dit de faire attention aux prostituées. Elles ont la ruse dans le cœur, donc je ne dois même pas être une prostituée. Parce que leur cœur est mauvais. Elles ont la ruse dans le cœur. Dans Proverbe 18, 22. La femme qui est une grâce de l'Éternel qu'il accorde à son mari. La grâce là. Je veux savoir pourquoi elle est une grâce. Quand j'ai posé des questions, parce que c'est quelque chose d'important. Si elle devient une grâce que Dieu accorde à un homme, ça veut dire qu'il faut puiser dans cette grâce, il faut la connaître pour être une grâce soi-même. Donc ça, j'ai des questions par rapport à ça. Dans le 19, 13, la femme ne doit pas être querelleuse. 14, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voilà ce que j'ai souligné. Intelligente est un don. Donc moi, je vais être un don. Il faut que je cherche à être intelligent. Donc, ça rejoint d'autres questions. Il faut que je sache en profondeur ce que Dieu dit. Quand il appelle une femme intelligente, c'est quel genre de femme? Bon, Proverbe 21, 9 à 19. C'était toujours les querelles. 25. Proverbe 25, le verset 24. Pareil. Proverbe 27, 15. Verset 15. C'était toujours pareil. Les femmes querelleuses. À proscrire, il ne faut même pas être une femme querelleuse. Il faut mieux être retenue et chaste. Réservée, discrète. Maintenant. Bon, c'est vrai que ça a produit chez moi plusieurs ramifications. Donc ça, c'était personnel. Maintenant, je vais dans... dans Proverbe 31, 3, 10 et 30. Verset 3, 10 et 30. Dans 3, il dit que les femmes font perdre la vigueur. J'ai compris pour moi à mon niveau ce que ça veut dire. Hein? Quel style de femme il parle là? Donc, il ne faut pas que je sois ce style de femme là. Et dans 10, il parle de la femme vertueuse. Hein? Oui. Et pour moi, quand je vois. Vous allez l'écouter. Ou bien les hommes, vous allez la contaminer. Pour moi, quand je vois vertueux, je sais que c'est quelque chose qui a de la valeur. Hein? Elle a plus de valeur que les pères. C'est ce qu'il dit, cette vertu-là. Elle a plus de valeur que les pères. Donc, si on te donne un diamant, ça n'a pas de valeur comme une femme vertueuse. Donc, il faut que je cherche cette vertu-là pour avoir la valeur que Dieu attend de moi. Ça, c'est ce que ça m'a dit. Maintenant, dans le verset 30, il a dit « La grâce est trompeuse ». J'ai une question par rapport à cette grâce-là. Il faut que je sache de quelle grâce il s'agit pour ne pas me retrouver dans ce genre de grâce qui est trompeuse. La beauté est vaine. J'ai compris pour la beauté. Et quand il dit qu'elle est vaine, elle est vraiment vaine. Parce qu'aujourd'hui, je peux être belle, demain, tu n'es pas beaucoup belle. Tu ne peux pas t'accrocher à quelque chose d'éphémère. Je ne contrôle même pas. Et il dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et ça, je vais être louée. Il faut donc que je craigne l'Éternel. Applaudissez pour elle, applaudissez pour elle. Bon, c'est ça m'a vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit que j'ai traîné beaucoup dans certaines choses parce que je ne comprenais pas toutes ces choses. Et maintenant, c'est des vérités que je m'approprie chaque jour pour ne pas oublier parce que ça, c'est des choses que Dieu agrée. Et moi, je veux ressembler à ces femmes-là. Oui. Celle qui craint Dieu et qui sera lui. Je veux lui ressembler. Donc, maintenant, dans Ézéchiel 16. Pour moi, c'était comme mon histoire. Donc, chaque mot dans Ézéchiel 16 parlait de moi. À un certain moment, je suis tombée en larmes parce que chaque mot, je me retrouvais dans tous les mots. J'ai encore les émotions de ça quand je parle maintenant. Et pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut me dire ici, j'ai encore une liste de questions. Parce que dans Ézéchiel 16, là, dit que la femme ne doit pas se confier dans sa beauté. Ça entraîne plutôt à la prostitution. Une femme qui se confie dans sa beauté devient prostituée. À cause de cette beauté-là, elle vend sa justice. Et les bonnes œuvres qu'elle pouvait faire. Donc, en se prostituant. Et il y a eu, dans cet Ézéchiel 16-là, pour moi, il y a beaucoup de représentations, je ne les comprends pas. Pour que je comprenne bien, je veux comprendre ce que Canaan signifie dedans, le nombril, le sel, le sang, nu, les temps des amours. Quand il dit je jurerai fidélité, lavé dans l'eau, l'huile, le vêtement brodé, les chaussures de peau teintes en bleu, les ornements, l'anneau au nez. Quand Dieu dit qu'il a mis un anneau au nez, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux comprendre ça. Le fin lin, la parure, le pain, la fleur de farine, le miel. Et ce qui veut aussi dire passer au feu. Je veux comprendre chaque mot. Oui, je veux savoir ce que le Seigneur dit exactement quand il utilise ces termes-ci. Parce que je comprends que ça a trait à quelque chose, c'est relié à quelque chose, mais je ne comprends pas à quoi c'est relié. Donc je veux comprendre, donc j'aime citer ça comme ça pour pouvoir avoir les explications de chacun de ces mots. Il dit aussi ici, en se prostituant, on déshonore sa beauté, dans le verset 15 d'Ézéchiel, là, parce que la prostitution, elle a déshonoré cette beauté-là en se prostituant. Et que nos prostitutions irritent le Seigneur. Ça, c'est ce que j'ai noté. Il parle de ça dans le verset 6. Et ça fait en sorte qu'il nous livre à nos ennemis. Donc, on devient. L'ennemi peut faire de nous tout ce qu'il veut. Oui. Parce que on a déshonoré Dieu. Donc, voilà, en gros. La prostitution, quand une femme se prostitue, elle dissipe les trésors, ses trésors. Oui, ça aussi, il a attiré mon attention sur ça. Et la prostitution attire le jugement de Dieu sur la prostituée, sur soi. Une femme qui se prostitue, le jugement de Dieu, ça attire le jugement de Dieu sur elle. Et que nos prostitutions sont d'abord à l'intérieur. Et avant d'être, de ressortir à l'extérieur, elles sont à l'intérieur. Donc voilà pour moi en gros chaque verset. Que le Seigneur a attiré mon attention. Amen. Levez-vous chacune à son tour. Allez là, saluez-vous, l'embrasser. Parce que chacune à son tour. La façon dont elle a travaillé, c'est ce que le Seigneur veut effectivement que chacun travaille. Alors chacune de vous travaille. Allez-y. Pendant que vous êtes les femmes qui dites craindre Dieu, vous devez savoir que si vous ne vous laissez pas transmettre par le Saint-Esprit, personne ne pourra faire pour vous. Et vous avez un rôle à jouer. Je suis content d'être à votre milieu maintenant, après plusieurs mois. Vous devez venir d'arriver là, profiter pour consécrer là-bas en saluant vos soeurs. Donc, nous sommes en assemblée maintenant avec vous. Vous seulement les femmes, vous pouvez donc décharger donc tous vos questionnaires, tout ce que vous avez sur le ventre maintenant. Je crois que les questions, réservons les questions pour dimanche, comme ça on prend les questions, on les épluche. Comme ça on a une séance seulement pour les questions, d'accord? Avant de prier. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le travail. Maintenant, je te pose la question. Si tu travaillais, si tu avais des occupations ou autre, est-ce que tu pourrais travailler comme ça? Quand Dieu fait, quand vous entendez que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, Dieu peut donc retenir quelqu'un par suite des maladies pour que tu sois calme pour pouvoir l'écouter. Dieu peut rendre quelqu'un handicapé pour qu'il soit, ne soit pas capable de marcher. Il y a quelqu'un qui marche en tant que je ne suis pas ici. Dieu frappe son pied pour qu'il reste calme. Maintenant, avec ça, il apprend quelque chose. Dieu peut vouloir seulement que tu apprennes que on ne dit pas mouf à quelqu'un. Il te retient dans la maladie à cause de cela. C'est ce que tu as appris. Parce que vous venez de lire là que la correction, l'enseignement et de la correction, c'est le chemin de la vie. Bien sûr, le Seigneur va vous prier, le remercier pour ses grâces pour nous. Dites-lui merci pour ses grâces. Parce que si Dieu n'est pas, si ce n'est pas la grâce, il ne doit pas vous indiquer que voici telle chose que vous avez comme problème dans vos vies. Oui. Vous êtes ces échantillons de femmes. Vous n'êtes pas censé ressembler à toutes ces femmes du monde. Vous vous habillez bien, propre, décemment, couverte, honorant Dieu, craignant Dieu à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une grâce. Demandez au Seigneur aussi qu'il continue de vous nettoyer et de vous indiquer les endroits, dans les domaines dans vos vies où vous avez encore à travailler. Que s'il y a n'importe quoi qui a enfoui dans vos cœurs, dans votre âme, comme convoitise passionnée de ce monde-ci, que Dieu puisse manifester cela, révéler cela et vous en débarrasser. Continuez à vous révéler des choses sur lesquelles vous devez travailler. Vous êtes les femmes qui doivent être la lumière pour les autres femmes, les femmes du monde. Vous êtes les femmes qui devraient être les lumières pour les autres femmes. Vous n'avez rien à leur envier. Mais vous avez tout à l'heure à prendre. Que le Seigneur se souvienne de vous. Il a dit dans ce 1 Pierre que la parure intérieure est cachée d'un esprit doux et paisible. Il dit c'est un grand prix au devant de lui. La parure intérieure, dont l'ornement, c'est ton intérieur qui doit être orné. Un esprit doux et paisible. Ça contrasterait avec la femme querelleuse dont parle Proverbe. Tu ne dois pas être querelleuse. Un esprit doux et paisible. Donc ça commence à l'intérieur. Doux et paisible. C'est déjà des femmes qui rendent le pays habitable, comme le livre, comme Esaïe le dit. Qui rend le pays habitable. Que lorsqu'on entre dans sa maison, c'est de la joie. Pas cette femme que quand les amis de son mari viennent à la maison, c'est la frustration. Personne ne veut habiter à la maison. Personne ne peut venir à la maison. La belle famille ne peut pas venir, ainsi de suite. Parce que c'est une peste. Non. Soyez une lumière pour les femmes. Soyez des exemples pour les femmes. Afin qu'aux côtés de vous, vous soyez des solutions pour les femmes qui ont des problèmes. Les femmes du monde qui ont des problèmes. Que dans vos familles, vous soyez des solutions. Autour de vous, que Dieu envoie des gens qui ont des problèmes pour venir vous demander conseil. Demandez au Seigneur qu'il fasse de vous ces femmes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demandez-lui. Si vous voulez faire sa volonté, demandez-lui. Si vous voulez lui plaire, demandez-lui. Regardez si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous sans reproche et il ne se l'a donné. Demandez-lui. La Bible déclare qu'auprès de lui, il n'y a aucune ombre de variation. Demandez-lui. Père, je prie pour tes filles qui sont ici présentes. Et pour toutes celles-là, ô Dieu, qui ont décidé de suivre la voie de la sainteté, malgré toutes les péripéties, toutes les séductions du monde, malgré toutes les déboires et tout ce que le diable peut mettre comme pied d'achoppement pour les faire chuter dans l'esprit de séduction. Même au milieu chrétien, Père, je prie pour celles-là qui ont décidé d'en finir avec le monde, avec leur passé. Je prie, Père, que tu te souviennes d'elles et que tu leur donnes la force de continuer. Seigneur, le combat n'est pas facile. La marche n'est pas facile. Et nous sommes de plus en plus submergés, visiblement, audiblement, dans nos cœurs, par les oreilles, Père de gloire, par cette publicité et ces standards du monde qui viennent pour ébranler notre âme. Je prie, Père, pour tes filles, parce qu'elles, ô Dieu de gloire, Satan les cherche avec assiduité. Donne-les, Père de gloire, de ne pas céder aux caprices des standards humains. Donne-les de ne pas écouter, ô Dieu de gloire, les vertus du diable, mais qu'elles soient soumises à toi. Qu'elles aiment, ô Dieu de gloire, ta parole et tes conseils. Qu'elles suivent tes préceptes et tes recommandations. Qu'elles suivent la voie de la vérité, Père, la voie, le sentier de la lumière. Qu'elles suivent et obéissent et restent toujours dans cette voie-là. Tu as dit, ô Dieu, maintenant que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Je prie, Père, que tu te donnes de marcher en toi et d'être soumise dans toutes leurs voies et toutes leurs marches. Que ton nom se soit glorifié dans leur vie. Je prie, ô Dieu, que tu transformes leur être, que tu transformes leur cœur dans la soumission, dans la sainteté. Dans une sainteté irrépréhensible, où elle ne regretterait pas, ô Dieu de gloire, d'avoir quitté le monde pour venir à toi. Où elle n'aurait rien à envier au mondain. Donne-leur d'être des jugements, même Père, aux filles du monde qui se prostituent et se trémoussent le long des chemins, dans les télévisions, qui sont vulgaires, Père de gloire, par leur extravagance et par leur habillement provocateur. Je prie, Père de gloire, que tu leur donnes d'être des exemples de jugement pour elles. De leur montrer, ô Dieu de gloire, que même dans les pépinières pourries, Père, on peut toujours trouver des graines qu'on va s'aimer et que ça va produire des fruits pour ta gloire. Donne-le de marcher dans la sainteté de façon irréversible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Venez vous asseoir, bien-aimé, venez vous asseoir. Donc, ce qu'elle a fait, c'est le résumé. C'est le résumé. Et maintenant, je m'aimerais poser une question. C'est que, enfin, si vous avez lu, si vous prenez comme amusement, c'est votre problème. Je suis en train de travailler, le Seigneur me dit, il y a deux choses, je vais annoncer dans l'enseignement, il y a deux choses, deux endroits où Dieu André me dit qu'on travaille, il ne sait pas comment on va y arriver, jusqu'à ce qu'il donne tous ces passages-là, donne-le. Quand il donne, ce n'est pas mon problème, c'est à vous de voir ce qu'il en est, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il y a sur vos cœurs, c'est vous qui connaissez, et c'est lui qui connaît ce qui veut travailler en vous. Maintenant, avec le recul, avant que ces choses-ci, vous n'ayez ces versets bibliques-là, pourtant vous avez ça dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a écrit quelque part que vous devez faire comme ça, non. C'est écrit dans la Bible, et vous lisez, et beaucoup de ces versets vous avez souligné. Alors, lorsque Dieu, quand c'est le moment de Dieu de manifester cela, quand vous venez dans ce même verset que vous avez lu, vous voyez ça autrement. N'est-ce pas? La question que je pose, c'est ceci. Avant que ce thème-ci ne vienne, que vous travaillez sur ça, vous pensez que tout était OK, pas vrai? Vous pensez que tout était déjà OK? Alors, lorsque vous regardez maintenant ce passage et ces choses, vous voyez qu'il y a encore du chemin, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ok, rappelez-moi donc les deux thèmes sur lesquels il avait dit qu'on travaille. Il avait dit quoi? À haute voix, tout le monde. Vous avez dit là, vous avez pris. Allons-y. Vous prenez tous les versets, là, c'est ça dont il est question. Tous les versets. Vous prenez tous les versets. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de vivre sur un toit avec une femme. Donc la femme querelleuse, on dit que c'est comme une gouttière, comme il pleut là-dedans, là. La gouttière fait pa-pa-pa-pa-pa-bla. Quand la gouttière tombe, vous croyez que c'est une goutte seulement, mais ça finit par creuser la terre. La gouttière peut renverser, la gouttière de la pluie peut renverser une maison. C'est pas ça, hein? Alors vous voyez que partout, la femme normalement, qui est un insensé, est une calamité. Calamité, dans notre langage, ça veut dire bombe à défragmentation. Donc la femme est une bombe atomique, normalement. Alors, si vous voulez, on voit quelques instants la femme comme occasion de chute. Vous voulez qu'on voit ça? La femme comme occasion de chute. Ça va en droite ligne avec ce thème-là, avec tout ce qu'elle a fait là-bas. Maintenant, lorsque cette sœur-ci décortique tout ce qu'elle a eu comme confrontation, qu'elle jette la Bible plus tard, elle connaît la vérité. Quand vous êtes devant le miroir, vous avez un bouton sur la figure. Vous savez, les boutons, vous avez les boutons qui sont mûrs, vous regardez sur la figure. Soit vous appuyez, vous enlevez, ou bien vous n'appuyez pas. Mais le miroir vous a montré que vous avez le bouton. Vous avez un choix, soit vous enlevez, soit vous n'enlevez pas. Donc quand elle fait comme ça, là, plus vous lisez la Bible de la bonne manière, dans la méditation, parce que ça, elle a lu dans la méditation. Parce que pour que quelqu'un écrive tout un cahier comme ça, en prenant big bleu, big rouge, soulignant verset après verset, Dieu est en train de lui parler. Dieu est en train de lui parler. Voilà comment le Seigneur fait. Et vous avez fait, vous en avez fait autant, n'est-ce pas? Ne pensez pas que vous allez manger, vous jeûnez, vous couchez, vous dormez, à 18h vous coupez, vous dites, oh, le jeûne était fort aujourd'hui. Ça ne vous servira à rien. C'est la grève de la faim et vous allez faire la taille comme ça. Ce que Dieu veut faire, c'est le nettoyage profond, comme il a dit là. Le nettoyage profond, pour que ce soit manifestement... Cette manifestation extérieure ne consiste pas seulement à bien vous habiller. Parce que vous pouvez bien vous habiller couvert de la plante des pieds, pieds jusqu'à la tête. Mais lorsqu'on vous piétine les orteils, on voit que c'est le dragon qui est couvert dans, dans les habits. Où est-ce là? Il faut que au-dessus de vous, soit transparent, que ce soit la paix, la douceur. Que lorsque vous ouvrez votre bouche, vous parlez avec sagesse. Vous voyez? Regardez dans ce livre des Proverbes, chapitre 14, là, le verset 1, où il dit « La femme sage, sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit, la renverse de ses propres mains. » Ici, on fait une lumière entre, on fait un contraste entre une femme sage et une femme insensée. Donc, au sortir de ce travail-ci, vous allez prendre position. Soit un, vous êtes une femme insensée, soit vous êtes une femme sage. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de dire que non, je suis un peu sage, mais j'ai encore un peu d'insensé. Parce que la Bible n'a pas dit que la femme qui est un peu sage, on dit la femme qui est sage. N'est-ce pas? Alors, la question c'est, qu'est-ce que c'est qu'une femme sage? Qu'est-ce que c'est qu'une femme insensée? On dit, le résultat, sur le résultat, on voit la personnalité qui est à l'intérieur de cette femme-là. On dit, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est pas qu'elle construit une fondation de la maison. Non, non, non, non, non. Ça suppose que tout est en ordre dans son foyer. D'accord? Dans sa maison. Elle donne la joie dans sa maison. Maintenant, on dit, l'insensé la détruit de ses propres mains. Pas qu'elle prend la main comme ça, la main physique, elle commence à casser. Que par d'espace, ses actions, elle-même, elle détruit son foyer. Espèce où vous suivez? Or, c'est la Bible qui le dit. Et Dieu donne cela, il dit, n'est-ce pas déjà mis pour toi des conseils? Vous avez lu ce Proverbe, chapitre 22, verset 17 et au-delà. Il dit, n'est-ce pas déjà mis pour toi des conseils, des réflexions? Donc, c'est déjà mis par écrit. Alors, quand Dieu fait comme ça, je veux que vous compreniez la personne qui a écrit ce livre des Proverbes-là, ces rois qui ont écrit ces Proverbes-là, Dieu leur a donné la sagesse pour étudier les femmes. Donc la femme a été passée au peigne fin du Saint-Esprit. Maintenant, s'il n'y a pas ces choses écrites dans Proverbes, vous n'avez aucun standard sur lequel vous basez. Vous allez croire peut-être, comme les hommes le disent, vous allez voir un homme qui va vous épouser. Vous, dans vos foyers, dans votre famille que vous avez grandi, vous allez voir les standards ou bien les socles sur lesquels vos parents étaient. Beaucoup de ces choses-là étaient nobles. Mais beaucoup n'étaient pas inspirés de la bonne façon comme la parole de Dieu nous dit. C'est le bon sens qui a construit nos foyers africains comme ça. Là. Où, vous voyez, sans que la Bible ne soit là, regardez dans le passé, regardez comment les mamans se comportent avec les papas. Regardez comment elles sont soumises. D'autres, en donnant la nourriture, se rabaissent. N'est-ce pas? Le mari parle, elle se baisse. Elle n'ose même pas parler en la regardant. Pas vrai? Pourtant, elles n'ont pas lu ça dans la Bible. De ce qui sont sortis avec cela, ce n'est pas Salomon qui est venu leur apprendre. Non, la Bible ne leur a pas dit cela, non, parce qu'ils n'avaient pas la Bible en leur faveur. Même les pygmées qui sont dans la brousse, qui n'ont pas encore eu à lire la Bible, il y a le respect de l'autorité humaine, de l'autorité de l'homme et la femme qui se regroupent. Regardez-les seulement, elles se regroupent de lieu en lieu, entre elles, pour préparer. Elles viennent servir à leur mari, elles se reculent, elles sont là-bas. Mais la femme d'aujourd'hui, la femme moderne, dit à son mari que je suis fatigué, va te servir toi-même. Tu ne sais pas qu'elle travaille toute la journée. Il donne les ordres comme ça. Un peu comme l'église dirait au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est cette comparaison-là. On lui dit que non, non, non, on a trop duré sur la terre, viens nous chercher vite. On commande au Seigneur Jésus. Ou bien on lui dit que non, non, non, non, non. Toi-même va commencer à prêcher aux gens, c'est ton travail, mais d'abord pour commencer. Vous voyez, est-ce qu'on donnerait de l'ordre au Seigneur? Alors, on doit lui être soumise. Pas vrai? Alors, quand nous sommes soumis au Seigneur, c'est comme ça que la femme doit être soumise à son mari. Puisqu'il s'agit donc de vous. Je veux qu'on parle d'un instant, vous avez lu ça, je vais parler au fur et à mesure, vous allez découvrir que ça se trouve dans vos... Je n'ouvrirai pas ma Bible. Je vais parler au fur et à mesure, je vais citer les versets qui se trouvent là-bas, tous les versets que vous avez vus là-bas. Quand ça viendra, s'il y a un verset nouveau qui vient, je vous en donnerai. Alors, la femme, normalement, est un être complexe. La femme, normalement, est un être complexe. C'est au point où les gens ont dit que c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire que la femme est mauvaise. Est mauvaise, c'est un mal pour l'homme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la femme est un être complexe. Pourquoi? Elle porte en elle normalement deux prophéties. Elle porte en elle deux prophéties. Remarquez bien dès le départ. Je vais, avant d'expliquer cette prophétie-là, remarquez dès le départ. que la femme est sortie, comme vous lisez, si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez remarquer que on dit que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. N'est-ce pas? Maintenant, regardez. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. Donc, c'est à cause d'une volonté d'homme que la femme a été créée. N'est-ce pas? Maintenant, l'homme est la femme est sortie de l'homme. Et cette même femme qui est sortie de l'homme engendre, elle accouche l'homme. En Corinthiens, on se dit, de même que la femme est sortie de l'homme, de même l'homme vient au monde par la femme. Deux prophéties. Donc, elle sort de l'homme, elle donne l'homme. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il y a cette tendance d'autorité dans, au milieu des femmes. Voilà pourquoi il y a cette tendance d'autorité dans, parce que normalement, elle sort de l'homme, elle est intime à l'homme. Et en plus, elle met au monde l'homme. Donc, elle peut avoir elle peut tenter d'avoir les droits, droits sur cela. Mais Dieu lui intime un autre qui doit être soumise. Alors, les deux prophéties principales dont de l'homme, c'est que, un, elle peut être une femme insensée, comme elle peut être une femme sage. Et donc, si vous prenez le fil de la femme, vous prenez la femme plantée depuis le jardin, vous mettez le fil dans la Bible comme ça, vous accrochez sur la femme, vous descendez, vous déroulez, comme on ferait pour entourer un jardin, un fil où on attache quelque part, on commence à détacher. Si vous attachez ça sur une femme et qu'elle est vertueuse, vous commencez à détacher le fil de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, 1 Samuel, 2 Samuel. Vous continuez, vous traversez la Bible jusqu'à ce que vous allez à l'Apocalypse. Vous allez voir que cette femme va conduire à Apocalypse chapitre 19, versets 6 et 7. Il dit, si la femme est une femme vertueuse, vous prenez depuis la Genèse, vous descendez en suivant sa trace dans la Bible. C'est que c'est qu'une femme vertueuse, la manifestation est grandie pour nous conduire où? Vous allez voir qu'elle prophétise Apocalypse chapitre 19, versets 6 et 7. Et son époux s'est préparé. Il lui a été donné et s'est vêtu d'un fin lin éclatant pur. Les fins lin éclatant pur sont les œuvres justes des saints. Alors, la femme vertueuse, c'est une prophétie pour l'église qui est le corps de Christ. Il dit, il veut voir le sujet, la femme comme occasion de chute, d'accord? Oui, chaque fois quand ils disent cela dans les enseignements, on croit peut-être que je suis méchant avec les femmes. Je ne peux pas dire ceci alors que je suis marié, sachant que j'ai une femme à côté de moi. Il dit chaque fois dans les enseignements, il dit que la femme, c'est une bombe à destruction massive entre les mains de l'ennemi, surtout encore quand elles sont brutes. Parce qu'elle a été conçue de manière séductive pour séduire. C'est pour ça qu'elle fait les manières. Enfin, il dit vous, les femmes. Vous faites les manières, pas vrai. Même maintenant, ça ne vous laisse pas. Souvent, vous allez au mur, vous tournez un peu comme ça pour voir vraiment si la démarche est encore. C'est pas ça, mes soeurs. C'est pas ça. Alors, de l'autre côté, donc, vous mettez le fil sur les femmes qui font chuter l'homme. Vous mettez le fil depuis la Genèse sur la femme qui fait chuter l'homme. Vous tracez, comme j'ai dit, vous détachez le fil, vous allez tomber à Apocalypse, ça va vous aboutir à Apocalypse chapitre 17. La femme prostituée qui était assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. On dit que c'est du vin de son impudicité. Vous voyez comment l'impudicité, une femme, comment elle peut entrer un peu et souiller tout le pays. Donc c'est là où ça va conduire. Donc une femme qui n'est pas vertueuse est une femme souillée. C'est une calamité vraiment, une bombe. Donc, voici donc les deux que vous avez dans la Bible, l'homme dedans. Ça pose la question. Ça nous pose directement la question. Lorsque nous nous tenons donc dans la Bible, est-ce que si le fil, on a de mettre toutes ces femmes-là depuis la Genèse dans la corbeille pour rassembler dans un lieu pour conduire l'Apocalypse chapitre 19, est-ce que j'en ferai partie, vous, en tant que femme? C'est la question qu'il faut poser. Ou bien si on est de rassembler les femmes dans un lieu. Si il arrive, comme le Seigneur dit que la moisson est grande, car la moisson est grande et il est temps de venir vendanger la terre. S'il envoie les anges donc de réunir les femmes vertueuses dans un camp pour qu'on puisse les enlever là-bas, si c'est comme ça, ça doit se passer. Pose-toi la question, est-ce que tu dois retrouver dans le camp des femmes sanctifiées? Il faut que ces questions soient répondues. Donc désormais, chaque fois que vous allez dans la parole, pour lire, il faut que vous vérifiez si oui ou non, au finish, vous êtes... Vous réalisez la prophétie d'Apocalypse chapitre 19 ou bien vous réalisez plutôt la prophétie d'Apocalypse chapitre 17. Monsieur Benespa. Ah. Si la femme a été qualifiée pour être appelée en prophétie comme l'église du Seigneur Jésus, cette femme-ci doit savoir que le Seigneur attend beaucoup d'elle. Le Seigneur attend beaucoup de femmes. Remarquez donc cette panoplie de versets et cette panoplie de passages que le Saint-Esprit met dans la Bible pour montrer. Vous voyez ce que si vous n'entrez pas dans la Bible de cette façon, vous n'allez pas voir quand vous allez dire que, mais qu'est-ce qu'il y a avec les femmes, pas vrai? N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Lorsque vous suivez les enseignements, une femme à la baisse de la femme, femme voilà, toi vous dites qu'est-ce qu'il y a avec les femmes. C'est pour ça que les personnes qui ne connaissent pas les pasteurs, qui n'ont pas utilisé ces choses-ci, vont voir que où est le mal à cela. Arrangez-vous bien, passez bien, il faut qu'on vous voit. C'est ce qu'on va vous dire, ne sachant pas où ça n'entre vous conduit. Mais si vous allez dans la Bible de la bonne façon, en lisant ces passages, vous allez voir qu'en réalité, il y a quelque chose avec les femmes qui ne va pas. Donc la femme est un piège lorsqu'elle n'est pas utilisée sous la direction du Saint-Esprit. Remarquez donc, si vous ne pensez pas cela, remarquez dans les assemblées, dans n'importe quelle assemblée, où on fait des prières, remarquez si les gens tombent et commencent à crier. Regardez en grande majorité qui seront. Ce sont les qui? Les femmes. Les femmes sont susceptibles, sont, leur esprit a été conçu pour être spirituellement apte à captiver. Et à être captivé. C'est comme ça son être. Elle peut facilement renverser, comme elle peut facilement construire. Une femme peut être aussi tendre jusqu'à supporter la douleur que vous, enfin vous êtes des femmes, je ne sais pas comme l'expérience, la douleur que vous supportez lors des mois de grossesse que vous avez. Déjà pour ceux qui ont les règles douloureuses, les douleurs que vous supportez chaque fois, comme ça 12 fois par an, vous supportez cela dans le bas-ventre. D'autres supportent comme ça la douleur, elle te regarde comme ça, pourtant elle a la douleur. Jusqu'à ce que vous soyez enceinte, vous tombez enceinte, les douleurs de l'enfantement, des lourdeurs qui se passent, le masque de grossesse, la rondeur qui arrive, le poids que vous portez, pour porter une vie. Et la douceur dont vous faites montre lorsque l'enfant sort, malgré les déchirures, les remèdes, les injections qu'on vous donne. Vous gardez tout cela, vous supportez cette douleur-là pour donner vie. De la même façon, une femme peut être aussi insensible à cause de la constance du sang qu'elle voit chaque mois, au point de tuer un nouveau-né sans état d'âme. Donc le sang ne lui dit rien parce qu'elle a l'habitude de voir du sang. Vous voyez ce paradoxe avec les femmes, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand elle lutte à la maison avec son mari, première chose, elle prend quoi? Allons-y. La première fois, elle prend quoi? Le couteau. La machette, hein? Elle ne cherche pas le bâton qu'elle va taper son mari pour que la bosse sorte. Non. Elle veut lui faire du mal que le sang sorte parce qu'elle est habituée à voir le sang. La femme peut facilement voir quelqu'un qui est blessé, là, ça ne lui dit rien parce qu'elle est habituée à voir le sang. C'est un paradoxe. La femme, c'est une énigme. Normalement, conçue de la bonne façon, comportant de la bonne façon, vous êtes un jardin à découvrir. Un pays de merveilles. Un jardin de fleurs, hibiscus, bien, avec les lys des vallées vraiment bien tracées. Un sillon qu'on a parcouru pour y faire sortir les patates dans ces sillons. Mais de l'autre côté, une femme. Une insensée est une terre aride aux calamités incertaines qui ne peuvent que détruire les semences qu'on y sème. C'est vraiment un paradoxe, les femmes. Maintenant, je vais retracer la Bible avec quelques exemples maintenant pour que vous voyez ce qu'il en est. Et vous allez certainement rencontrer cela. Regardez, puisqu'on a commencé par là, dans ce livre de Job, au chapitre 1 et au chapitre 2, regardez comment Dieu décrit son serviteur, l'homme, qu'il est intègre, se craignant Dieu, se détournant du mal. Et il est fidèle, n'est-ce pas? Voici une femme qui vit avec cet homme-là. Elle vit avec cet homme. Ils ont des enfants. Ils ont tout. Tout les sourit. Mais à l'instant où il y a chute, remarquez que Satan a frappé en la laissant. Je veux que vous voyez ça. Satan a tout frappé en laissant celle-là comme agent. Il a tué les enfants. Laissez la femme. Parce que la femme peut facilement parler au cœur de son mari. Donc, Satan connaît que la femme est un piège pour l'homme. Parce qu'elle a su parler et convaincre son mari dès l'origine. Il a fallu seulement qu'elle prenne la femme. Qu'il prenne la femme et laisser la femme faire le reste. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, c'est le modèle exemplaire de Satan. C'est pour ça qu'il parle de l'âme fatale. Comme il a commencé dès le départ, c'est son âme fatale pour faire chuter. Il savait tout simplement que s'il fait chuter la femme va entraîner le reste. C'est pour cela qu'un acte d'obéissance d'une femme peut faire obéir toute une vie. Un acte de désobéissance peut faire détruire toute une vie. Pourquoi? Parce que la semence qu'elle porte dans son laboratoire, une seule semence, si elle accepte dans l'obéissance que l'enseignement sort, l'enfant que, cet enfant qui est ressorti va engendrer d'autres enfants. Donc, la femme, c'est un facteur de multiplication. Elle multiplie les bontés comme elle multiplie les problèmes. Mais la Bible nous révèle qu'elle multiplie davantage de problèmes qu'elle multiplie de bontés. La femme, je recommence encore, la femme a été conçue pour multiplier. D'accord? La femme a été conçue pour multiplier. Vous donc, vous êtes les facteurs de multiplication. Chacun pour sa part. Les facteurs de multiplication, ce n'est pas statique pour vous. Ce n'est pas un nombre fini pour chacun. Il y a d'autres femmes qui bavardent. Quand elle bavarde, si vous mettez même le volume de la radio pour essayer d'annihiler sa voix, ça ne peut pas donner. D'autres femmes qui sont tellement sournoises où, quand elle pose un arbre, vous entendez que c'est elle qui a posé, vous dites que maman, c'est elle. Oui, c'est vraiment elle. Sournoise, elle est à la maison, elle fait comme ça. Les jeunes filles à la maison. Maman, ma fille, c'est un. Ma fille, c'est un. Ma fille, c'est un. Alors que dehors, c'est qu'elle fait dehors. Tu es à l'intérieur, tu dis, ma fille, n'y connaît pas encore l'homme. Alors que dehors, au moins 400 hommes sont déjà passés sur elle. Vous-même, vous savez qu'on ne doit pas boire vos caddies, non? Si c'est pas le Saint-Esprit qui dit que cette femme-ci est comme ça, on ne doit pas boire vos caddies. Parce qu'on vous connaît. Elle pêche à gauche, elle pêche à droite. La Bible déclare dans ce livre de Proverbes là-bas que telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, elle dit que je n'ai rien fait de mal. Vous entendez ça? La femme, donc, vous êtes dans les facteurs de multiplication. Sachez donc cela. Alors votre facteur de multiplication change en fonction de votre femme, en fonction de votre caractère que vous avez à l'intérieur. C'est pour cela que quand c'est une femme qui engendre des problèmes, vous dites quelque chose à une femme en allant dire, elle multiplie. Elle a été conçue comme ça là. Dieu donne un spermatozoïde entre, pam, elle multiplie, les jumeaux sortent. D'autres couches même 5, n'est-ce pas? Pourtant l'homme a mis un seul spermatozoïde. Elle multiplie. Donc vous donnez un problème à une femme en rentrant sur vous, ça devient 1000. De la même façon, vous donnez de l'argent à une femme à la maison, elle multiplie. Vous voulez faire qu'une femme, que non, je vais lui donner la vie, mener la vie dure. Elle vous mène ça trop dur à la maison. Vous voyez que vous êtes notre bonté, vous êtes encore notre tueuse. Donc la femme, vraiment, c'est un paradoxe, un être paradoxal. Mais vous ne devez pas avoir en vous les deux styles d'être. Vous pouvez être dans un camp, essayer d'imiter l'autre. Ça ne marchera pas ainsi. Ça sera un peu comme on est chrétien et on essaie d'imiter le monde. On doit avoir une nature distincte en marchant en parallèle avec les autres. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Si tu es destiné à être une femme sage, il faut que, au fur et à mesure, dans ta marche, tout ce que tu vas copier pour multiplier soit dans la droite ligne de la marche dans la sagesse. Les valeurs que tu épouses, les camarades avec qui tu fréquentes, les valeurs, les choses que tu lis, les choses que tu acceptes dans ta vie doivent te conduire à marcher dans la voie de la sagesse. Une femme qui dit « je suis une femme sage », il ne faut pas qu'on confonde la femme sage dont parle la Bible avec les femmes de bonne moralité, c'est-à-dire qui a la science comportementale de la société. Il y a des gens dans la société que tu entends, la femme-là, elle ne dérange pas son mari et autres, mais à l'intérieur, elle est lourde. Parce qu'elle est en train de regarder que son mari meurt pour que la pension retraite entre. Vous voyez que quelque chose ne va pas chez elle, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir un bon comportement à la maison tout en n'étant pas sage. Alors, c'est la femme de Job, si, que nous sommes en train de regarder dans Job chapitre 1, chapitre 2, si les calamités ne ressortaient pas dans leur vie, on ne saurait pas qu'elle est comme ça. Dieu produit donc certains événements pour résoudre des problèmes dans nos cœurs. Si Job était toujours dans son opulence et toutes ces choses, la richesse, là, sans qu'on ne fait en arrière-plan, on devait dire que wow, Job devait être bien. Parce que Job, lui, si vous lisez Job chapitre 30, 31, 32 jusqu'à 36, vous allez voir, il va dire, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Ses yeux, il avait fait un pacte que je ne regarde pas, malgré qu'il soit riche. Aujourd'hui, quand les gens sont riches, ils croient qu'avec la richesse, ils doivent choisir. Toutes les femmes du monde sont les femmes. Ils voient, ils couchent avec la maman, avec la jeune fille, tout. Dans une famille, ils peuvent venir coucher avec toutes les femmes parce qu'elle a l'argent. Parce qu'avec l'argent, on peut les traîner n'importe où. Alors, si Dieu avait donné l'argent à Job comme ça, et que la femme était là, Dieu n'enlève pas cet argent-là pour montrer tous les aspects. Nous avons vu l'intégrité de Job, nous avons vu ce que sa femme a fait, pas vrai? Alors je dis, si l'argent était demeureux, on n'aurait pas su que sa femme a un problème. Mais le problème que Dieu a fait surgir dans la vie de Job a permis à ce qu'on sache les pensées du cœur de sa femme. Donc, ça veut dire quoi? Étant dans le calme, sans problème, vous pouvez ne pas savoir que vous avez des problèmes vous-même. C'est pour ça que Dieu permet que vous ayez souvent certaines difficultés dans la vie pour qu'on sache qui est, qui vous êtes. Vous commencez à vociférer un temps, vous voyez comment vous appelez quelqu'un au téléphone. Dis que je l'ai lavé. Demande à ton voisin que tu es l'eau. Tu es le robinet. Donc dis que je l'ai lavé correctement. Après, quand elle fait comme ça, elle est satisfaite. Quand elle est satisfaite, la chair est satisfaite. Quand elle revient en elle-même, non. Elle-même encore prend le téléphone. Faut dire que je te demande pardon pour ce que je viens de faire. Donc, elle est désolée de l'avoir là, lavé. Donc, en réalité, elle a plutôt sali. La femme sage, la femme querelleuse. Ce sont deux entités d'un seul et même être, l'être féminin. Alors, la Bible déclare donc que la femme s'est présentée. Remarquez qu'on ne dit pas que Satan a dit à la femme de dire. N'est-ce pas? On ne dit pas que Satan a dit à la femme de dire. Elle dit, tu demeures dans ton intégrité. Mais c'est quand même terrible comme langage. Tu demeures dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Ha! Quel conseil! Tu maudis Dieu, tu meurs, tu vas rencontrer qui en jugement? Tu maudis Dieu, tu fermes les yeux, tu vas rencontrer qui devant un jugement? Parce qu'il t'a enlevé tout ce que tu avais et c'est lui qui t'avait donné sans que tu ne lui aies demandé. Parce qu'il a enlevé ça, quelque chose sur lequel tu dépendais, quelque chose que tu t'accrochais pour te montrer qu'en réalité, il faut plutôt t'orienter vers moi. Accroche-toi sur moi parce que je peux enlever tout et donner tout renouveler. À cause de ça, la femme a dit qu'il n'y a plus de nourriture à la maison. Les enfants sont morts. Est-ce que c'est même Dieu là? Est-ce qu'on dit souvent que Dieu est bon? Est-ce que c'est même bon? Maudis-le et meurs. Et remarquez bien la promesse. Maudis-le et fais comment? C'est quand même terrible. La Bible donc dit que Job a répondu que comment tu réponds, comme tu agis comme une femme? Je vais entendre ça de toutes vos bouches. Elle répond, le prophète l'a regardé. Il a dit comment tu agis comme une femme? Donc, on vient de nous de la définition comportementale des femmes insensées. C'est vrai, on dit qu'en lisant, là voici par exemple qu'elle a détruit sa maison de ses propres mains. Vous avez vu ça? Donc, en lisant Proverbe chapitre 14, verset 1, on dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. Maintenant, vous pouvez prendre un exemple d'une femme qui a agi avec sagesse pour bâtir sa maison. Si vous lisez la Bible, vous lisez votre livre de Luc, Jean et Marc, vous allez remarquer qu'il y a une femme, on l'appelle la femme de Pilate, à qui le Saint-Esprit a parlé la nuit, dans le songe, concernant le juste Jésus. Elle s'est levée le matin, elle a voulu préserver son mari de ce qui arrivait, de ce qu'il prendrait une mauvaise décision. La Bible déclare qu'il fut dit, n'ai rien à faire d'avoir avec ce juste-là, car j'ai été tourmenté dans le songe toutes ces nuits à cause de lui. Quand elle a dit ça, ça a changé quelque chose, elle a quand même fait ce qu'elle avait à faire. Parce qu'il ne faut pas que Pilate dise un jour au jugement que, pourquoi tu ne m'avais pas dit, je savais ça, pourquoi tu ne m'avais pas... pas dit. C'est pour cela que malgré, remarquez bien que quand la femme de Pilate a donné, elle n'est pas venue vers lui pour dire que ne fais rien avec Jésus, Jésus est injuste. La Bible déclare qu'elle lui dit, remarquez bien, la femme a envoyé quelqu'un dire à mon mari, à son mari, que s'il te plaît, chérie, n'aie rien à voir avec cela, que ça n'a pas à voir. Lave-toi là-dessus, dégage-toi. Parce que j'ai eu un songe concernant cela, que tu as de prendre une mauvaise décision. Maintenant, ce conseil si appliqué, Pilate s'en sortirait, pas vrai? C'est comme ça donc que dans vos foyers, pour vous qui êtes mariés, vous qui serez mariés, lorsque le mari est en train de prendre des décisions, allez devant le Seigneur et que Dieu vous utilise pour changer les comportements. Allez devant le Seigneur. Vous suivez? Ce n'est pas en se présentant en grondant, en attachant la bouche comme les boules de coquille, ou bien le pistache. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Un te touche de pomme, ça te dit, laisse-moi. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Souvenez-vous, un esprit doux et paix paisible, dans ces 1 Pierre chapitre 3, qui peut faire fléchir. Une femme qui a ce cœur, une femme qui a le cœur, qui écoute la voix du Saint-Esprit, sera une femme qui donnera les directions et aidera beaucoup à ne pas tomber. Dans le livre de 1 Pierre 3 que vous avez là-bas, où il a dit, ayez non cette parure extérieure, cette extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ainsi de suite. Il dit, mais la parure intérieure est cachée. La pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Puis il dit, ainsi se paraît autrefois les femmes, les saintes femmes. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle transporte ça dans l'ancien temps pour dire qu'en réalité, le modèle que vous devez suivre, c'est le modèle qui a été tracé dans la Bible, mais on ne vous a pas envoyé du mauvais côté. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui aidaient Dieu. Vous remarquez bien, n'est-ce pas? On n'a pas dit que les femmes. On n'a pas dit toutes les femmes, on a dit les saintes femmes. Donc, parce que dans l'Ancien Testament, il y a des caractéristiques justement de ces mauvaises femmes-là, comme Jézabel, qui séparait les cheveux, mettait le rouge à lèvres aux yeux et aux lèvres pour venir effrayer Jéhu et là, elle le draguait. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? On nous renvoie vers un style de femme, les saintes femmes qui craignaient Dieu. Oui, maintenant, qui craignaient Dieu. Puis on donne un exemple, on dit Sarah. Remarquez bien ce que Sarah a fait dès le départ avec Abraham. Lorsque elle a ouvert son cœur au point de donner sa servante à Abraham, de coucher avec Agar. Lorsqu'elle a vu qu'il y avait le mépris, elle a compris par prophétie qu'elle avait fait l'erreur. Qu'en réalité, ce n'est pas la semence dont Dieu parlait là-bas. Il a dit, chasse. Écoutez très attentivement, il faut que vous gardez ceci maintenant. Elle a dit, chasse cette servante et son fils. Vous voyez ça? C'est une femme qui dit cela. Il dit ça au prophète de Dieu. Chasse cette servante et son fils. Maintenant, la Bible déclare que la chose de plus fort à Abraham. Il veut que vous gardiez ceci bien à l'esprit. Sur le plan humain, on dirait que Sarah en train de vouloir commander son mari, qu'elle est en train de décider dans la maison que comme ça là. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul nous informe dans le livre de Galates chapitre 4? Il pose la question, mais que dit l'écriture? Il ne dit pas que dit Sarah. Il dit que dit l'écriture? Il dit chasse la femme esclave et son fils parce que, et il donne l'explication. C'est le Saint-Esprit qui nous explique donc ce qui se passe en réalité dans Genèse. Parce que la femme esclave, le fils de l'esclave n'héritera pas avec la femme l'enfant libre. Donc Sarah avait la révélation de la lignée où devait venir la promesse. Vous voyez? Mais elle agissait comme ça, ça rend comme... L'époque peut dire que c'est l'écriture que j'en ai dit. Donc c'est la pensée de Dieu qui traversait Sarah. Alors quand le prophète allait à Abraham, remarquez bien que malgré que ce n'était pas c'était pas de sa volonté de faire partie de cette femme-là. Abraham ne voulait pas faire partie de cette femme-là, pas parce qu'il va encore coucher avec la femme, non. C'est à cause de l'enfant. Vous voyez cela? À cause de l'enfant, parce qu'il savait que aussi c'est sa descendance. C'est pour ça que plusieurs fois, il a plaidé pour lui. La Bible, malgré que ça soit quelque chose qui peignait le cœur d'Abraham, Dieu lui a dit que fais ce que ta femme te est. Mais c'est terrible ça. Fais ce que toute ta femme. Donc, soyez une référence au point où Dieu puisse envoyer même un homme écouter un conseil de vous. Fais tout ce que ta femme te dira. Soyez une référence. Elle a été érigée maintenant en héroïne. Elle n'a pas débattu avec Abraham en disant que c'est toi qui me mets dans la salle. Genre, ça, je t'ai donné une femme. Non, tu as juste du bonnet maintenant. Tu me méprises. Non. On l'a cité en modèle en sainte femme. On dit même dans ce 1 Pierre 3 là qu'il appelait son mari quoi? Son Seigneur. Son Seigneur. Donc malgré cela, ça n'est pas venu à une confrontation comme une femme dirait aujourd'hui que si tu ne trouves pas l'enfant, si tu ne trouves pas l'enfant, je sors, pas mes choses, je sors de cette maison. Ces choses modernes que nous avons maintenant, nous avons hérité de Babylone, on ne doit pas avoir cela dans la Bible. Pas vrai? Alors, la femme, comme la femme de Job, l'expression d'être insensé se manifeste lorsque la femme peut facilement quitter la voie de Dieu pour suivre le monde. Et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage. Là, dans ce livre de Job, chapitre 1, chapitre 2, nous venons de voir que quelqu'un tenait ferme à Dieu, dans la voie de Dieu, même dans les difficultés. Mais sa femme venait le faire quitter cette voie-là parce qu'il y avait difficulté. Et la Bible l'appelle donc dans ces cas-là insensée. Donc, par définition, donc, une femme insensée, c'est celle qui est capable de quitter la voie de Dieu à cause des situations qui lui arrivent. Je vais expliquer cela. Quand une femme peut aller dans un bureau, disant qu'elle change dans la chorale, ou bien n'importe quoi, qui fait n'importe quoi pour Dieu, fait n'importe quelle œuvre pour Dieu, et qui peut aller au point de coucher avec un homme pour avoir du travail, c'est une femme insensée. Parce qu'elle doit comprendre que son corps doit être préservé dans la sainteté uniquement pour la personne avec qui elle doit être en relation de mariage. Mais regarde ce que les femmes font aujourd'hui. Remarquez bien le signe. Regardez les clips vidéo du monde. Remarquez que les hommes, même ceux qui chantent, qui sont les hommes, sont bien habillés. Ce sont les femmes toujours qui sont mal habillées. Les femmes dansent carrément avec les strings. N'est-ce pas? En trémoussant, vous remarquez, on les met le poteau quand les prostituées, elles tournent là-bas, elles tournent. On fait les ralentis pour montrer effectivement pourquoi elles sont là. Donc, on utilise la femme comme objet de propagande, objet de publicité, objet d'envoûtement, objet de séduction pour faire que les gens soient captivés dans ce style-là. Les femmes insensées, donc, sont ceux qui font que les enfants de Dieu tombent sur le chemin. C'est vraiment une calamité. Job lui répond, comment tu raisonnes comme une femme insensée comme ça? Nous recevons de Dieu, ce qui est bien, nous n'en recevons pas aussi le mot. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit glorifié. C'est Job, c'est le prophète qui nous a dit, tu réponds comme une femme insensée. Donc les femmes insensées, c'est eux qui réagissent, c'est elles qui réagissent comme ça. Parce qu'il n'y a pas une situation de bonté, parce qu'il n'y a plus de bonheur. On commence à chercher autre voie. Quand une femme ne peut pas tenir parce qu'elle a des difficultés, elles peuvent aller dans le monde pour aller faire. Cette femme-là est une femme insensée. Parce qu'elle va aller comme ça, tendre la main dans le monde pour amener les démons à la maison. Les démons dans sa vie. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, dans tous ces passages que vous allez lire, lisez par exemple le livre de Jean, Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28, là-bas où il a dit que si ton œil, il a dit que si vous commettez l'adultère, vous allez la punir, ainsi de suite. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un regarde une femme et qu'il a déjà convoité dans son cœur, a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Une femme sensée, une femme sage, poserait la question, c'est qu'est-ce que l'homme regarde de moi pour me convoiter dans son cœur? On ne peut pas dire que c'est le comportement à l'intérieur, non. Parce que le comportement, pour que tu fasses, il faut que tu fasses quelque chose d'extérieur pour qu'on puisse le remarquer. Mais ici, on dit que si elle regarde et qu'il te convoite dans son cœur, elle a commis adultère. Je veux que vous preniez un instant. Qu'est-ce qu'on va prendre? Lève-toi, ma jeune fille. Viens. Quelles sont les parties de ton corps tu sais que c'est fait pour séduire? Est-ce qu'elle veut parler? Les cuisses, les seins. Oui, cuisses, les seins. Qui veut parler? Vous êtes des filles, il n'y a pas de hommes ici, non? Oui. Qui veut parler? Viens. Qui parle? Vous parlez. Quand ce sont les hommes, on est en assemblée avec les hommes, vous dites qu'ils ne veulent pas parler. Quelles sont les parties du corps qui séduisent? C'est vous les femmes. Bon, voilà, tu es un spécialiste dans cela. Quelles sont les parties où, dans le monde, tu utilisais, tu savais que ici c'est pour faire attirer l'homme? Il y a les yeux. Les yeux. Il y a la poitrine. La poitrine. Les cuisses. Les cuisses. Les décolletés. Décolletés, c'est quoi encore, maman? Les hein? Ici. Les décolletés. Hein? Il y a la poitrine vide pour apporter les habits. Tu peux cacher la poitrine, mais ton décolleté aussi. Mm-hmm. Les épaules, en fait. Oui. Ok. Vous utilisez ça comment? Il y a les gestes. Et les gestes. Pas l'habillement aussi. Pas l'habillement. Donc, quand vous faites cela, ça permet que les gens puissent. Vous savez, quand on porte le talon modifie automatiquement les démarches. Et ça fait que les postérieurs vont dans un sens comme dans un autre. N'est-ce pas? Et c'est Baphomet qui est là, n'est-ce pas? Alors, je pose la question. Salut chaque personne, chacune de tes soeurs. On va regarder. Les endroits où tu as cité. Parce que le but, c'est dans votre thème, c'est, il s'agit de nettoyage profond à l'intérieur pour que l'esprit soit manifesté. Comment ça saluer l'une et l'autre jusqu'à ce que tu arrives. Chaque fois quand tu vas voir que quelqu'un n'est pas habillé conformément à la Bible, tu l'enlèves. On va voir. Allons-y. Salut. Laissez tranquille. Que votre cœur ne bat pas, c'est votre ça. Entre nous, il n'y a aucun homme ici, pas vrai. Tu vois que quelqu'un n'est pas bien habillé, tu l'enlèves. On va lui poser des questions. On va te poser des questions. Je vais te dire pourquoi. Elle a attrapé une. Viens pas ici. Voilà. On m'a dit, viens ici. Donc, tu as pipé les deux ici. Qui d'autre veut piper aussi? Lève-toi. Voilà, viens. Le temps qu'elle elle entre pipé. Hey, celle-là est allée seulement piper directement. Elle allait seulement piper, elle a traversé seulement que dans les autres. Bon, fais-le bien. Toi aussi, reste ici, viens. Reste ici à côté de moi. Toi, viens. Reste ici. C'est toi qui as pipé et toi aussi qui as pipé. Maintenant, toi, on t'a pipé, n'est-ce pas? Je vais d'abord poser la question. Tu penses que tu es bien habillé? Ok, maintenant, oui, effectivement, n'est-ce pas? Donc, elle peut être dans le tort sans s'en rendre compte qu'elle est dans le tort. C'est-à-dire qu'elle peut être mal habillée sans s'en rendre compte qu'elle est mal habillée, malgré qu'elle n'est pas bien en pantalon là-bas. Mais vous pouvez ne pas être habillé en pantalon, mais être toujours mal habillé. Maintenant, il veut que celle-ci nous dise le pourquoi elle est mal habillée. Il faut que toi-même tu lui dises le pourquoi elle est mal habillée. Pourquoi? Bon, premièrement, pourquoi? Je vais parler de la jambe. Pourquoi? Parce que avant, je pensais que quand tu es petit, tu déjà ne vois pas tes cuisses. Ça va. Oui. C'est en allant à l'école, j'avais constaté que chaque fois que je passais, les hommes se tournaient. Oui. Et je me posais la question, je ne comprenais pas. C'est là qu'un ma compagne m'a dit, tu as les jolies jambes. Qu'un garçon t'a dit, tu as les jolies jambes. Maintenant, stoppons là-bas. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 5, nous sommes là de travailler, non? Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un te regarde et te convainc, il a déjà combien à Dieu t'es avec toi. Mais ça, c'est quelqu'un qui, le Seigneur a permis que cette personne te parle. Combien ont constaté et n'ont pas dit. Parce qu'ils ont vu. Ils ont convoité. Celui-ci a fait que la Bible, le Seigneur a fait que sa convoitise sort de son corps, qu'il manifeste. N'est-ce pas? Quand il a dit ça, quelle était ta réaction? C'était génial. Et tu as donc compris quoi? Que je dois rallonger. Que tu dois rallonger quoi? Le bas. Dis-lui alors. Il faudrait que tu rallonges. Donc il faut que sa jupe descende jusqu'en bas, pas vrai? Oui. Parce que la chose, c'est si elle s'asseye, assieds-toi ici. Il n'avait pas vu les pieds, c'était juste rien que les. Voilà, vous voyez, si elle s'assoit, à un moment donné, là, vous allez voir, vous avez vu comment elle s'est assise, justement. Quelqu'un qui est en face d'abord, si un homme est en face d'abord, vous voyez ce qui s'est passé, pas vrai? C'est ça, non? Donc, ça veut dire que cette fille, si cette jeune fille doit s'habiller, remarquez bien comment je suis habillé. Vous avez vu? Donc, si elle m'assoit, est-ce que j'ai des problèmes? Vous avez vu? J'ai des problèmes. Si elle s'assoit là, c'est qu'elle va prendre soit le sac, elle va faire comme ça, ou bien prendre encore un tissu pour mettre sur ses pieds. Le fait qu'elle prenne encore le tissu pour mettre sur ses pieds montre qu'en réalité, elle devrait faire ça jusqu'en bas. Vous devez être des références. D'accord? Vous n'avez rien à prouver au monde. Vous devez couvrir la scène. Quand le mari te regarde comme ça, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ne vous livrez pas au carrefour. Vous n'êtes pas des marchandises. D'accord? Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Va t'asseoir. Dis-lui merci. Embrasse ta soeur. Tu lui dis merci. Et autre chose, c'est que vous ne devez pas prendre ceci comme sujet de moquerie. Parce que nous apprenons les unes, les autres. Et c'est votre devoir, donc, vous devez d'abord faire ça entre vous. Si vous devez conseiller vos soeurs, vous les femmes âgées, vous devez conseiller vos soeurs. C'est bien comme les deux femmes âgées qui sont au début d'abord prêtes. Parce que c'est elles qui doivent vous donner les bons. On a dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'esprit qui convient à la sainteté. Donc elles doivent maintenant donner les bonnes instructions. Donc si les deux femmes principales âgées ici ont été pipées, ça se pose qu'elles n'ont pas encore assis. Donc par conséquent, si elles donnent les instructions, elles doivent donner quoi? Les mauvaises instructions, n'est-ce pas? Comment tu les ménages? Tu crois que si tu parles, elle va te dire parce que tu avais parlé contre moi. Ce qui s'en est dit, c'est que vous devez être. Vous devez accepter les reproches, pas vrai? On dit que c'est dans le chemin de la vie, c'est dans le chemin de la correction. On se corrige chaque fois pour s'améliorer. Et pour cela, il faut que vous admettez qu'il y ait des critiques. Des critiques constructives. C'est-à-dire, quand tu viens vers ta soeur, tu dis, ma soeur, j'ai constaté telle chose, je suis même à cœur de te dire cela. Mais avant que vous n'agissez ainsi, vérifiez d'abord vous-même. Vérifiez d'abord vous-même pour que la parole qui dit, pourquoi, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Comment peux-tu dire que laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil alors que tu as la poutre dans ton propre œil. D'accord? Maintenant, alors, lorsque tu as constaté cela, première chose, il faut prier. Il faut La personne peut être dans l'erreur comme cette jeune fille ici sans t'en rendre compte. D'accord? Tu as pipé deux candidats. J'ai pipé la maman pour les habits transparents. Oui. Donc, tu veux dire que maman Edith a l'habit transparent, ça, elle veut encore. Oui. Bon, pour l'habit transparent, c'est le Seigneur lui-même qui m'a appris cela. Oui. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu l'enseignement sur l'habillement de la femme. Vous entendez d'abord? Quand j'ai reçu. Bon, l'enseignement, je n'ai pas reçu de vous. Mm-hmm. Mais j'avais déjà un enseignement sur la femme. Oui. Je voulais utiliser la ruse pour. Je voulais toujours être en démembrée. Oui. Un peu nue et. Je vais utiliser la dentelle. Mm-hmm. Comme une ruse pour cacher. Donc, malgré que tu avais écouté cet enseignement, tu n'as pas écouté ça de moi. Tu n'as pas écouté cet enseignement de moi. Tu voulais faire toujours les musiques quand tu essaies de. Oui, je vais utiliser la ruse pour. Bon, ça, c'est pour donner l'impression que je suis habillée. Mm-hmm. Et le reste, c'est en dentelle. Mm-hmm. Et mais, en sachant que. Le transparent va rester, mais la ruse était au niveau des hommes. Mm-hmm. Pour que on, et les femmes, pourquoi on ne me juge pas? Mm-hmm. Mais l'homme voyait. Moi, je savais qu'on pouvait voir au travers. Donc, tout le temps, tu lui dis alors. La solution devait toujours être là. Oui. Donc, reste devant elle, dis-lui alors. Et la demande, c'est transparent. À travers ça, on voit toujours. C'est vrai, toujours la solution. Voilà. Embrassez-vous alors. Donc, en fin de compte, vous allez remarquer très bien que vous devez être couvert de telle enseigne que même si vous levez votre main, qu'on ne puisse pas voir vos aisselles. Parce que si vous vous rabaissez, qu'on ne puisse pas voir votre poitrine. Parce que les femmes font exprès. Les femmes font exprès. D'autres femmes, elles lancent les clés au sol, là où il y a les hommes, elles font comme ça, elles se baissent. Le garçon vous voit comme ça, il est mal à l'aise. Et tu te tournes comme ça, il commence à te suivre maintenant comme le mouton. Et vous savez, Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 7, c'est ce que ça dit là-bas par rapport à cela. Ma soeur, salut ta soeur là-bas. Qu'est-ce que tu es allé la piper directement comme ça là? Pourquoi tu l'as pipée? Je l'ai pipée directement parce que lorsqu'elle était assise et qu'elle était comme ça, je voyais tout. C'est sain. Exactement. Elle a fait identifier parce que pendant qu'elle était, quand elle est entrée, elle m'a parlé de son cas particulièrement. Alors donc, il cherchait le stratagème, comment faire pour lui adresser la parole. Donc, tout ce qu'on a fait là, c'était même pour elle en réalité. Oui, et pendant qu'elle dit maintenant, qui est encore? Elle a dit qu'elle s'est levée là-bas à aller piper parce que je ne peux pas venir moi-même directement. Il faut que ce soit une soeur qui sache que ici c'est mauvais. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle a acheté son tissu, elle a cousu, elle a dit à la couturière que coupe ici devant. C'est elle qui a donné, parce que le modèle, c'est elle qui a coupé. Vous me regardez comment elle a coupé. Tourne-toi, ma soeur, comme ça, elle regarde. C'est elle qui a coupé, non? Elle a coupé comme ça, à monter d'abord, descendre sur la montagne, descendre encore, descendre. Si elle se baisse là, si elle dit qu'elle se baisse là, vous allez voir effectivement que quelque chose ne va pas. Ouais. Tant que tu sais que quelque chose ne va pas, non? Et ça, ce n'est pas seulement ce cas, c'est parce que c'est une habitude chez elle. Comment vous me regardez comme ça là? On est obligé, il n'y a pas de visualisation ici. Il dit c'est une habitude chez elle. Vous devez vous couvrir au point où on ne doit pas voir votre poitrine. D'accord. Même la jeune fille qui a parlé, ta poitrine doit être couverte jusqu'en haut. Parce qu'elle sait que quand même les poils là, elle fait tout pour que les poils là sortent un peu. C'est pas ça. Hein? Il faut couvrir ça, d'accord. C'est pour ton mari. Alors, couvrez-vous. Donc, qu'est-ce que tu lui dis? Non, non, comment tu dis? Tu lui dis, elle est où? Viens ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? La robe en bas est bien, mais juste ici, pour maintenant parler à ça, il faut qu'elle prenne un châle. Permettez-moi de poser une question. Ne détourne pas, n'est-ce pas? Tu as quel âge? 43 ans. Est-ce que depuis la. Même avec tes 43 ans, est-ce qu'on ne te drague pas? Comment tu parles encore doucement comme une jeune fille? Je suis allé quelque part pour que vous compreniez. Tu as 43 ans, n'est-ce pas? Malgré cela, on te drague, non? Mais frère, depuis que j'ai cru, hein. On ne te drague plus. Attends, pourquoi on te drague d'abord avant? Je ne sais pas. On cherche quoi derrière toi? Je sais pas. Tu sais, quand tu passes dans les pères, là, ne te regarde pas comme ça que. Tout... Lui, si, le regard même, bon, je ne sais pas. Ok, ça va. Mais tu as compris ce que ta soeur t'a dit? Embrasse la rose. La femme comme une occasion de chute. Vous pouvez être une occasion de chute sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Et les gens qui ont les convoités chanés dans le corps et autres là-bas, vous êtes dans le quartier avec des jeunes garçons. Ils vous observent depuis. Ils vous observent. Satan, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugit, cherchant qui dévorer. Et regarde, ils observent tes habillements. Ils observent tes choses, ils observent tes choses. Après, ils vous font tomber dans le péché. Après, ils partent. D'autres mondes font même des défis. Qu'il veut coucher avec la fille, là, quand tu dis que c'est un chrétien. Vous êtes là, vous couvrez, vous couvrez, vous couvrez. Après, je vais coucher, mais si vous voulez me la mettre ici, vous avez honte. Couvrez-vous pour ne pas être une occasion de chute. Mais pour que ceci de l'extérieur, vous admettez cela, il faut que vous admettez d'abord la transformation à l'intérieur. Comme celle-ci a dit, que quand elle a lu Ézéchiel chapitre 16, ça parlait, tous les mots parlaient de lui. Pourtant, il n'y a pas son nom là-dedans. Vous, quand vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez voir, quand c'est une reproche, Dieu vous le dit directement, ça vous concerne. Quand c'est une félicitation ou un réconfort, c'est pour vous. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand vous allez dans la Bible, vous dites, la pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La question c'est, est-ce que j'ai cet esprit doux et paisible? Et on dit que c'est un grand prix devant Dieu. Ça veut dire que la personne qui obtient ceci, c'est un trophée. Pas vrai? Maintenant, lisons Ecclésiaste chapitre 7 là, le verset 26 à 29. Donc, ne portez pas les habits qui vont serrer pour montrer vos formes de l'extérieur, derrière, d'accord? Vous me suivez, mes soeurs? Ne portez pas cela, ne portez pas ça. Ne soyez pas une occasion de chute pour quelqu'un. Ecclésiaste, chapitre 7. Vous avez noté ça, c'est dans votre lecture. Pharaon, tu peux lire les versets 26 à 29. Chaque fois, je vais te dire stop lorsqu'il faudra. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Stop. Remarquez le point où les femmes qui sont des objets de séduction sont appelées. On apprécie la mort à elles. On apprécie la mort aux femmes qui causent la séduction. Il dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. Quand quelqu'un meurt dans la famille, vous voyez comment les gens sont consternés. Pas vrai? Si c'est ton père, tu commences à te lamenter ou autre. C'est parce que si tu as la révélation, tu vas savoir qu'une fille qui séduit un homme à côté est plus dangereuse encore plus que la mort qui a attrapé ton père ou la personne qui est morte. C'est ce que le scientifique de Dieu a dit. Il dit que j'ai trouvé plus amer que la mort. Donc la femme qui est un objet de séduction, la femme qui est un instrument de séduction est plus grave que la mort. Parce que quand la mort te prend, elle te prend seule. Quand la femme te trame, une jeune fille qui, un monsieur rentre de son travail, il est fidèle à sa femme jusqu'à ce qu'un jour il regarde une jeune fille qui passe comme ça, elle balance les fesses, elle laisse les clés, elle laisse les fesses derrière exprès. Une jeune fille que tu comprends à la maison pour qu'elle travaille comme ménager à la maison, un jour la femme n'est pas à la maison, elle fait tout et tout pour venir tremmeler ses fesses derrière là où le monsieur elle trouve. Et le jour où elle couche avec lui, maintenant, pan, elle ne respecte plus la femme à la maison. Une calamité. Le seul acte va amener l'infidélité. Enfin, comme vous avez lu dans ce livre de Jeu, chapitre 19. Un acte d'infidélité, vous avez tout ce que ça a amené, n'est-ce pas? Or, quand la mort vient, ça vient chercher une personne, ça part. Elle, quand elle fait frapper, elle frappe toute une génération. Regardez ce que la femme peut faire. Et on dit qu'il a trouvé plus amer que la mort, la femme. Donc, regardez bien. Donc, le cœur est quoi? Un piège. Alors, Dieu vient de dire qu'en réalité, pour que vous vous examinez, pour savoir si vous êtes une femme sage ou pas, examinez vos cœurs, les motivations de vos cœurs. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle des habillements comme une notion de séduction, il faut que tu arrives à poser la question si oui ou non, tu veux t'habiller pour plaire à Dieu ou à toi. Parce que dans ton cœur, peut être, comme par exemple, c'est de dire que quand elle s'habillait, malgré qu'elle avait reçu cet enseignement-là, elle cherchait toujours, vous voyez que quelque chose était à l'intérieur. Elle cherchait toujours à s'habiller en masquant, en trompant Dieu que non, mais j'ai quand même bien habillé. Mais elle va au marché, elle laisse ce qui est couvert, elle cherche ce qui est transparent. Pourquoi au travers, il y a des femmes même qui portent l'habit transparent parce que vous voyez leurs seins au travers. Elle ne porte pas de soutien, elle reste pour qu'on voit les rondelles noires et autres là-bas. D'autres portent même sans les vêtements de dessous. Tout ça pourquoi? Alors la question c'est, qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette femme? Quelle est la motivation de son cœur? Le piège. Observez dans ce livre de 2 Rois chapitre 9 verset 30, 29 et 30 quand Jéhu entra dans Israël. On dit que quand Jéhu entra dans Israël, Jézabel l'a pris. Elle a couru, s'est paré les cheveux, orné ses cheveux, elle mit le feu à ses yeux, elle est venue à la fenêtre, s'est positionnée. Donc quand Jéhu n'était pas entré, n'est pas allé faire cela. Quand Jéhu était entré, elle a couru pour aller se parer, mettre ces choses-là pour venir. Quel est le but qu'elle se passe derrière? Elle veut séduire Jéhu. Les ornements de séduction. Quelqu'un maintenant pourra dire que non, non, elle a mis ça parce que c'est pour, parce que dans ce contexte-là, elle voulait faire ça. Ça dépend de l'utilisation. La question maintenant, c'est dans ton cœur, quand tu mets le rouge à lèvres ou bien toutes ces choses-là, quel est le haut, le but? Quelque chose se trouve en toi qui veut, que tu veux satisfaire. Alors, une femme donc qui craint Dieu, comme vous avez vu dans ce proverbe chapitre 31, on dit que celle qui craint, on a d'abord dit que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Donc, tu montes, tu descends, il y a eu des femmes comme Marilyn Monroe qui ont troublé les têtes du président des États-Unis, Kennedy. Elle est où aujourd'hui? On a vendu son habit avec laquelle elle a chanté son 45e anniversaire, le 45e anniversaire de John F. Kennedy à 15 millions de francs CFA, donc 500 millions de francs de dollars. Il quoi 3 millions de dollars. Un habit qu'une femme a porté dans une soirée. Parce qu'elle a porté ça cette soirée-là. Elle dit, Happy Birthday, en chantant de façon sensuelle. Happy birthday to you, Mr. President. Juste parce que tout le monde savait très bien que c'est le ton était le ton de séduction. Marilyn Monroe. Une femme qui faisait chuter seulement des hommes. Tous les hommes voulaient seulement coucher avec elle. Parce que son habit était encastré de diamants. 3 millions de dollars. Un habit qu'elle a porté des années pour chanter le 45e anniversaire. La femme, qu'est-ce que la femme est en train de chercher? Vous voyez? Donc une femme est troublée, la famille présidente. Le grand frère qui était juge, le président, s'est concassé la tête sur une seule femme. Et vous lisez dans ce premier chapitre 30 comment la maman de Lémuel lui disait que fais attention avec les femmes qui font perdre la tête des rois. Ne donne pas ta vigueur à la femme. Donc la femme est une suceuse. Et c'est vous dont il est question. Vous devez regarder dans le miroir de la parole pour regarder dans quel camp vous vous trouvez. Si vous voulez donc aller avec le Seigneur, continuer avec le Seigneur, vous devez prier chaque fois que le Dieu vous débarrasse de tout ce qui peut vous empêcher de courir la voie de la sainteté. Mais pour ceux qui veulent tourner en philosophant qu'il n'y a pas de mal à si c'est son problème, que celle qui veut avancer, avance. Vous devez prier chaque fois maintenant devant le Seigneur. Seigneur, daigne me nettoyer. Daigne nettoyer, me nettoyer de tout ce qui ne te plaît pas. Daigne me nettoyer. Daigne nettoyer de ma vie. D'être nettoyé en moi, tout ce qui ne te plaît pas. Alors vous serez surpris que Dieu va commencer, les choses que vous estimiez, vous allez voir effectivement que l'intérêt pour ces choses disparaît automatiquement. Ce que vous aimiez, ce que vous chérissiez, vous commencez à avoir une perte, un dégoût pour ces choses-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Donnez-lui seulement l'opportunité de le faire, de l'opérer. Enfin, vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Pour que vous arrivez même déjà au niveau où vous en êtes là maintenant. Il y a eu la bataille, des batailles en vous. Et pendant que ce message est sorti, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des gens encore qui n'en sont pas encore. Ils sont seulement conformistes de façon superficielle. C'est-à-dire, il a dit qu'il y a des gens qui ont encore des interdits à la maison. Il y a des gens que, malgré qu'ils sont débarrassés de ces choses-là, elles le font de façon visible. À la maison, c'est caché. C'est-à-dire qu'elles sont ça à la maison, déposées. De telle enseigne que, si c'est chaud, elles vont encore reprendre. Elles font ça du mal à qui? C'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est pour ça qu'il a dit cette. Mais reste tranquille. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Pour qu'on puisse avancer. Pour que vous sachiez que c'est un chemin de non-retour. Quand vous avancez, il a dit que celui qui est se sanctifie encore. Que celui qui est injuste pratique encore l'injustice pour dire qu'il ne prie pas quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose pour dire que ouais, comment. Non, non, non, non. Lorsque la parole sort, elle doit produire, c'est pourquoi c'est sorti. Et quand vous avez entendu, vous êtes sous le coup du jugement de cette parole-là. Vous avez entendu la vérité. Maintenant, allons-y dans quelque part. Je vous viens de lire quelque chose. Quelqu'un t'a lu quelque chose. Tu es en train de lire Ecclésiaste. Gardez le doigt d'Ecclésiaste. Lisons un passage de la Bible dans le livre de Dieu. 2 Timothée. Et quoi, après, on va expliquer ça. Il va arrêter. Comme ça, la prochaine fois, nous allons avoir du temps pour travailler. Je crois que c'est vous qui m'avez retenu pour que je ne voyage pas parce qu'il était sorti qu'on doit travailler deux fois. Vous avez fait la prière que l'on ne bouge pas. 2 Timothée, chapitre 3, vous y êtes. Il dit qu'il n'ouvre pas ma Bible aujourd'hui. Vous allez lire. Soyez-en les motrices de la bonne gouvernance à la maison. Soyez exactement des lumières et des lampadaires pour les sociétés des ténèbres. Vous savez, dans l'obscurité, quand vous passez dans les routes, c'est les ténèbres, il y a les lampadaires en route là-bas. Dans la vie quotidienne, là où il y a les ténèbres, là où les femmes s'habillent en sexy, couvrez-vous. Quand vous allez dans n'importe quel milieu, même si vous ne parlez pas, on va commencer à vous regarder bizarrement. Pas vous regarder parce que vous avez péché, mais parce que vous n'êtes pas habillé en conformité comme eux. On va vous calomnier, mais il n'y a pas de problème. Sachez que vous rendez compte uniquement à Dieu pour votre vie. Et chacun rendra compte à Dieu. La Bible déclare donc que lorsqu'on va vous calomnier, que vous ne vous livrez pas encore avec le même débordement dans la débauche avec eux, ils vont vous calomnier. C'est ce que la Bible déclare. D'accord, j'ai dit quel livre déjà? J'ai dit qu'on ne quittait pas cet Ecclésiaste là, chapitre 7 là. Chapitre 3, lisons les versets 6 et 7. Madame Donatien, tu peux lire 2 Timothée chapitre 3, verset 6 et 7. 2 Timothée 3, 6 et 7. Oui. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, oui, chargées de péché, agitées par des passions et de toute espèce, oui, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Stoppons là-bas, c'est terrible. La Bible nous fait état ici de certains styles de prédicateurs qui concernent certains styles de femmes. Il nous dit, la Bible, le Saint-Esprit nous met en garde, après avoir donné la liste de tout ce qui va arriver, qu'au dernier jour, telle chose va arriver, il nous dit dans ces derniers temps-ci, qu'il y a des femmes dans les maisons qui sont chargées de péché, mais elles vont au culte. C'est ce que la Bible nous donne comme renseignement. Elles vont au culte, parce qu'on dit qu'elles apprennent toujours, elles peuvent assister aux écoles bibliques, elles appartiennent au culte biblique, elles font des études bibliques, même à la maison, même dans les écoles bibliques, la Bible nous le dit. Parce qu'on dit qu'elles apprennent toujours sans jamais parvenir à la connaissance de la... Pourquoi elles ne parviennent pas à la connaissance de la vérité? On a compris, on a mis les femmes et les hommes sur un même pied d'égalité, ne sachant pas que la femme a son style d'évangile, l'ABC, doit commencer par son habillement, sa sainteté. Alors la Bible déclare ici que celles-là vont entrer dans les maisons, trouver des femmes, regardez bien, on est chargé de péchés de toute espèce, de passions de toute espèce. Alors, ça veut dire que les femmes dans chaque maison doivent vérifier ses motivations, ce qu'elle est dans son cœur. Vous allez donc voir les femmes à l'étude biblique avec le pantalon, ça ne les dérange pas parce qu'on a dit que non, ce n'est pas écrit littéralement dans la Bible que pantalon, il y a des pantalons hommes, il y a des pantalons femmes. D'autres quand ils vont écouter comme ça, au lieu d'aller devant le Seigneur prier, elles vont devant leurs enseignants, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. On leur dit donc, pour satisfaire les passions, comme on voit-il passionnés, comme on a dit écrit là-bas, elles vont comprendre la vérité, elles n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité malgré qu'elles vont apprendre. Pourquoi on dit qu'elles sont chargées de passions, de péchés de toute espèce? Vous avez vu cela, n'est-ce pas? La Bible promet que ces six femmes vont apprendre sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Mais maintenant, on dit donc que ces gens-ci seront sous la captivité, ces femmes-ci seront sous la captivité des faux enseignants. Ils vont dire qu'ils vont s'emparer des femmes chargées de tout péché espèce. Donc, et on va venir les prêcher dans ce que vous entendez. Portez vos boucles d'oreilles, portez vos pantalons. Il y a quoi de mal à cela? Ils vont dire amen. Et continuent comme ça, ils vont aller en enfer avec cela. Ça ne reviendra jamais à la vérité. Relisons encore cela. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 6 et 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons. Stop, vous avez entendu, non? Qui s'introduisent dans les maisons. Oui. Et qui captivent des femmes d'un esprit. Ils captivent des femmes. Donc ils sont dans les maisons. On vient, on danse. Il y a quoi de mal à ce... Tu portes le foulard. Le foulard amène en fait. Est-ce que le foulard c'est un objet de salut? Donc, pour que quelqu'un obéisse à la Bible maintenant, il faut que la chose soit un objet de salut. C'est-à-dire que, pour que ça soit un objet de salut, pour qu'on abuse à la parole de Dieu, il faut que ça soit un objet de salut. Quand Saül est allé, on lui a dit que dans ce livre de 1 Samuel, chapitre 15, quand Dieu a envoyé Samuel de lui dit, va maintenant et frappe Amalek. Dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Je me souviens de lorsqu'il avait barré le chemin à mon peuple, lorsqu'il sortait de l'Égypte. Quand il est allé, il a tué, il a gardé Agag, le roi Agag. Il a attrapé les animaux chétifs. Il n'a pas fait. C'était un objet de salut. Il n'a pas désobéi à Dieu. Et Dieu a dit que je me repens de l'avoir établi roi. Parce qu'il n'obéit pas à ma parole. Donc, obéir à la parole, c'est obéir au commandement du Seigneur. Il n'est pas de question de débattre si oui ou non c'est Dieu salut. Donc, c'est une question. Parce que le Seigneur a dit que si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Il n'a pas dit si quelqu'un même, il gardera mon salut. Parce que c'est lui qui est le salut. C'est ça, non? Dans ce livre de Jean, chapitre 14, il a dit que si quelqu'un même, il gardera ma parole. Et l'apôtre Paul dit donc que si quelqu'un est disciple ou n'importe du Seigneur Jésus, que si les prophètes, qu'ils reconnaissent que c'est un commandement du Seigneur. Maintenant, quand vous voyez donc les gens qui sont chargés de péché, qui veulent aussi prêcher pour captiver les femmes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non. Que tu portes le foulard, que tu ne portes pas le foulard, où est-ce que c'est important? Si je fume ou je ne fume pas, où est-ce que c'est important? Si je vais en bois de nuit, je ne vais pas en bois de nuit, est-ce que c'est l'objet de salut? C'est écrit quelque part là que si je vais en bois de nuit, je vais aller en enfer. Voilà. Pourquoi donc prêcher aux gens qui ne viennent pas aller en bois de nuit? C'est écrit quelque part que si je ne viens pas au culte, je vais aller en enfer. Pourquoi ils insistent donc que les gens viennent au culte? Vous voyez, lorsqu'on les gens veulent utiliser les tactiques pour s'éloigner de la vérité, éloigner les gens de la vérité, mais le vrai problème, c'est que le Saint-Esprit va nous montrer ici que les femmes d'un esprit quoi? Faible. Esprit faible et borné. Continuons. On dit que ces gens, ils viennent comme ça pour les captiver. Quand leur esprit est faible et bon, oui. Chargé de péché. Stop. Vous avez entendu les femmes qui en, n'est-ce pas? Chargées de péché. Ces femmes-ci, donc, ce sont des armes de destruction massive. Alors, vous allez voir, ces jeunes femmes vont dire que pour rien au moins, j'enlève mon pantalon. Parce que je ne vois pas du mal à cela. Elle ne va pas vers Dieu pour son esprit faible, chargé de péché, puisse être déconstruit. Parce que Dieu lui dit qu'il veut mettre en elle, dans ce 1 Pierre 3, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant lui. Mais elle a un esprit faible, chargé de péché. Et cet esprit faible, chargé de péché, elle croit que c'est elle. C'est sa volonté qui doit être mise en valeur. Alors que c'est Dieu qui doit être glorifié en elle. Chargé de péché, de toute espèce, oui, agité. Agité par des passions de toute espèce. Stop. Agité par des passions de toute espèce. Elle va croire qu'en prenant le modèle du monde, en mettant sur elle, il n'y a pas de problème. Après qu'elle va te faire, elle va faire citer quoi? Une partie de la parole. Tout est sanctifié par la parole. Donc elle croit que quand elle porte son jean, même si elle n'aime pas quoi, elle pousse le jean. Elle porte, ça sanctifie. Dans ce cas, dites-leur, vois le poison, pousse le poison, bois. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Remarquez très bien que tout est sanctifié. On ne dit pas par la parole. On ne dit pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et sanctifié, ça veut dire mis à part. Tout est mis à part par la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ce que Dieu approuve comme juste, la parole de Dieu doit devoir le déclarer. Que si c'est bon, si c'est pas bon. On dit tout est sanctifié par la parole. Ça ne veut pas dire que c'est dit que au nom de Dieu, que ce soit sanctifié, c'est sanctifié. C'est pas ce que ça veut dire. On n'a pas dit que tout est sanctifié par votre parole. On a dit tout est sanctifié par la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui doit déclarer quelque chose pur ou impur. Ah, c'est merveilleux seulement. Faisons attention, d'accord? Il ne s'agit pas Non, on dit que tout est sanctifié par la parole. Ne doit pas acheter quelque chose de satanique, comme les gens disent. Il y a quelque chose de satanique, je mets la main sur les prix. On n'a pas dit que tu dois sanctifier toute chose. On a dit tout est sanctifié par la parole de Dieu. Dans ce livre de Lévitique, chapitre 10, où Nadab et Abihu ont apporté le feu étranger dans le temple, la Bible déclare que après avoir expié, les frappés, Dieu a dit à Aaron et à ses disciples que vous n'allez pas boire du vin, ni de l'alcool forte lorsque vous allez entrer dans mon sanctuaire, depuis de l'essuyer. En faisant comme ça, vous allez enseigner à mon peuple les choses pures et les impures. Pas vrai? C'est pas ça? Donc c'est la parole de Dieu qui montre ce qui est pur. La parole de Dieu qui montre ce qui est impur. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire dans ce livre de Timothée en disant que, en parlant de... Il y a des docteurs qui vont intervenir et enseigner qu'on ne doit pas manger. Par ceux qui ont connu la vérité. Quand tu connais la vérité, c'est que la vérité de la Bible dit telle chose par rapport à tel sujet. Alors tu peux manger. Vous voyez, pas que tu vas prendre au marché, tu pries pour sanctifier. C'est pas ça dont il est question là-bas. Je crois qu'il faut comment? Il faut seulement la délivrance aux êtres humains de ces temps-ci. Alors, comment quelqu'un peut lire la Bible et comprendre autrement? Lisons ce livre de Timothée là, où je t'en ai parlé. De Timothée 4 là. Un Timothée 4. Allons-y, regardez verset 1, je lis avec partie verset 1, je vais citer, d'accord? Mais l'Esprit dit expressement, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Vous avez encore vu, n'est-ce pas? Les esprits séducteurs. Donc il y a des gens qui vont venir séduire des gens. Non, c'est pas important. Est-ce que Dieu peut s'attacher à cela? Des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc il y a des enseignements qui sont inspirés des démons ici. Et à des doctrines des démons. Vous y avez moi? On dit maintenant verset 2. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Je veux que vous gardiez à l'esprit le mot hypocrisie. Hein, l'hypocrisie, c'est quelqu'un qui a dit quelque chose que dans son cœur, c'est pas ça. Il dit pour flatter. Et c'est pas vivant dans son cœur. Regardez bien, par l'hypocrisie des faux docteurs, donc ce sont les docteurs qui sont faux, dont les enseignants. Donc il y a les faux enseignants, mais non chrétiens. Des faux docteurs portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience. Donc leur conscience a été marquée d'un burin de fer qui sont nés pour aller en enfer. Par l'hypocrisie des faux docteurs prescrivant de ne pas se marier. Donc ceux-ci qui prescrivent de ne pas se marier, c'est l'une de leurs doctrines. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Action de grâce, remerciement. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc quand tu connais la vérité, tu dis, quand la notice est servie, tu dis, oh Seigneur, merci pour ce repas. Il prend ça avec action. Regardez bien, car tout ce que Dieu a créé est bon. Je veux que vous compreniez bien. Je vais prendre ceci pour expliquer le fait que les gens disent que non, je peux porter ma bague en sanctifié, même si c'est le sort de Satan. Je prends les parfums, même si on dit que c'est un bon moment de ténèbres, je prie, c'est parce que, et ici, tu es sanctifié par la parole. Regarde bien, écoutez bien. Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est. Vous voyez très bien que l'apôtre Paul, le Saint-Esprit en a insisté ici, c'est ce que Dieu a créé. On est d'accord? Maintenant, et rien ne doit être rejeté. De quoi? De ce que Dieu a. Donc tu ne peux pas prendre l'alcool. Tu dis que j'ai sanctifié cet alcool, c'est parce que Dieu n'a pas créé cet alcool-là. Car il dit que et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action. Quand tu regardes la bonté de Dieu, quand tu vois la banane, tu dis waouh, la banane est très bon. Oh merci Seigneur, parce que tu, quand vous me prenez le fruit, vous sucez le fruit naturel, vous comprenez comment c'est. À l'essence, ça touche votre langue, vous savez ce que ça fait, n'est-ce pas? C'est les actions de grâce. Mais maintenant, regardez bien cela. Parce que tout est sanctifié par la parole de l'homme. Hein? Voilà. Puis dit, remarquez bien, dans ce dernier verset, il dit que car. Parce, il dit parce que tout est sanctifié, il dit par la parole de Dieu et par la prière. Pas par la prière et la parole de Dieu. Oh, mais c'est la nuit déjà là maintenant. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je suis conduit à développer la 29 à nous trouver. C'est parce qu'il y a des choses qui arrivent là. Il dit tout, car tout est sanctifié par la parole de Dieu. Remarquez bien que les gens disent car tout est sanctifié par la parole. Parce que si ce n'est pas la parole, ils se croient que s'ils font au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça doit se sanctifier. C'est parce que la Bible en train de dire. Parce que initialement, elle a dit que tout ce que Dieu a créé est bon, rien doit être rejeté. Pourquoi le prêtre avait action de grâce? Parce que les actions de grâce, ce sont des prières, le remerciement de ce que Dieu a fait ces choses. Puis il dit que tout est sanctifié par la parole. Donc, tout ce que Dieu a est bon est mis dans la parole. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé, c'est gardé par la parole. C'est la parole de Dieu qui dit ce qu'il est bon. Vous voyez? Donc, va prendre un parfum Dolce & Gabbana, que ce sont les homos sociaux qui ont fait pour promouvoir le truc. Tu dis que Dolce & Gabbana, j'étais sanctifié au nom de Dieu. Quand tu vas ouvrir, ce sera Dolce & Gabbana. Parce que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Vous suivez? Donc, dans cet Ecclésiaste chapitre 7, il est temps de lire ici parce qu'à cause des gens qui entrent dans les maisons captives des femmes chargées de péché, elles vont aller dans la Bible maintenant, commencer à chercher plutôt les endroits, ce style de choses, voici comment ça arrive. Dans ce livre de 1 Samuel, Zacharie, non, pas Zacharie. Ézéchiel chapitre 7, je vous ai donné. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, Dieu donne une prophétie. Il va dire à Jérusalem qu'il a paré des ornements. Il a paré Jérusalem. Il a mis des boucles à son nez, n'est-ce pas? Des ornements à son cou. Une femme va aller prendre, laisser tous les autres versets venir prendre que ça. Comment Dieu lui dit qu'il met les boucles à Jérusalem? Et puis vous dites qu'on ne met pas les boucles. J'ai dit que va me montrer les oreilles de Jérusalem. Montre-moi les nez de Jérusalem où il a mis les boucles là. Et puis il va te dire ce qu'il a en train de dire. Voilà ce qu'elle va aller prendre. Que Dieu nous vient en aide, n'est-ce pas? Alors, nonobstant cela, vous devez regarder, en regardant dans les versets, en lisant les versets là, de façon objective, vous allez savoir effectivement que la femme est dans le collimateur de Dieu. La femme est dans le collimateur de Dieu. Elle est dans la ligne de mire de Dieu, la femme. Quand vous lisez tout cela, ça donne une indication à la femme. Vous êtes mal barré devant le Seigneur si vous ne vous repentez. Si vous n'arrimez pas vos voix, si vous n'arrangez pas vos voix, vous êtes mal barré devant le Seigneur. Tout ce passage, vous en avez lu durant ce moment-ci, n'est-ce pas? Donc, en les lisant, dites seulement à Dieu que Seigneur, je veux œuvrer, je veux que tu œuvres en moi, je veux te suivre, quel qu'en soit le prix. Seigneur, œuvre en moi. Je vais marcher avec toi, quel qu'en soit le prix. Et n'oubliez pas que vous devez répondre chaque fois à la question. Suis-je une femme vertueuse ou bien suis-je une femme destructrice, agent de destruction entre les mains de l'ennemi? Amen. Donc dans ce livre d'Ecclésias, finissons par là. Dans ce livre d'Ecclésias, chapitre 7, verset 26, il dit que j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et les mains, le filet. Seigneur, œuvre en moi. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi à la femme que tu veux. Que je sois un modèle pour mes semblables. Parce que souvenez-vous que Sarah a vécu sur la terre, elle ne savait pas qu'on devait écrire sur elle. Elle a quitté la terre, elle a été mise en référence dans la Bible. Jézabel a vécu sur la terre, ne sachant pas que le conte était mis en son sujet. Elle va mourir le jour qu'on va demander à Jumain, qui connaît mon histoire? On va sortir la Bible, on va voir tout ce qu'elle a fait. Donc, c'est écrit à ton sujet quelque chose. on a écrit quelque chose à ton sujet. Fais le tri à 5 que s'il faut écrire encore une autre Bible après toi, qu'on t'écrit en bien. Pas comme un objet de séduction pour faire tomber le roi David dans le péché. D'accord? Dis-toi que si tu quittes ton quartier et que tu pars quelque part, le compte est rendu qu'on va donner de toi dans ce quartier-là, ce sera que cette femme s'y craignait vraiment Dieu. Honorez Dieu avec votre action, votre habillement, pour que même si les gens qui ne suivent pas Dieu vous calomnient, le jour où Dieu leur accorde la révélation, ils vont dire, ah, je comprends maintenant pourquoi telle soeur qui était ici se comportait comme ça. Mais si vous vous habillez comme ça, vous lisez, vous, vous livrez dans le mensonge, la prostitution, toutes les autres choses-là, avec les mondains, vous n'aurez pas d'impact sur eux. Quand elles vont venir dans la grâce du Seigneur, elles vont dire, mais comment cette femme-ci qui disait qu'elle craint Dieu vive comme ça? Parce que c'est la majorité de nos comportements qui font à ce que les gens ne veulent même pas suivre notre voie. Parce qu'ils ont déjà été influencés par plusieurs personnes qui parlent de Dieu, Dieu avec la bouche, mais l'action qu'ils font, c'est autre chose. Dans ce livre des Psaumes 50, la Bible déclare que quand tu vois un menteur, tu te plais avec lui. Tu ouvres ta bouche, tu énumères mes paroles et tu te lèves, tu condamnes, tu insultes ton frère. Seigneur, transforme ma vie à ton image. Rends-moi une femme qui va transformer mes semblables. Que je sois un modèle de référence de sainte femme pour ta gloire. Que je sois un modèle de référence comme sainte femme pour ta gloire. Que je sois un modèle de référence pour ta gloire. Donc mes chers, il faut que vos bras soient désormais bien couverts, vos poitrines bien couvertes, vos pieds bien couverts. Courage, c'est la marche. D'accord? Courage, c'est la marche. Je termine avec ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58, qui dit ceci. Que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous portez pour son nom. Votre travail ne sera pas oublié. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je termine là-bas. Que Dieu vous bénisse, sainte femme. Quoi que vous fassiez, sachez que les yeux du Seigneur sont plongés sur vous pour voir vos comportements. Si vous transformez en mal la société, si vous reflétez en mal la prophétie dont vous faites montre. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible déclare, parlant du mariage, que la femme qui est mariée cherche à plaire à son mari. Fait tout pour plaire à son mari. Donc l'Église fait tout et tout pour plaire au Seigneur. Regardez donc que votre motivation ne soit pas pour plaire au monde, pour être avec le monde. Parce que si le monde dit que waouh, tu es bien habillé, hein, le monde t'apprécie. Que tu es bien habillé, tu es sexy. Écoutez la connotation. Tu es sexy. Waouh, tu es sexy. Hein. Si vous faites votre habillement pour plaire à votre homme, quand il parle de plaire, quand la Bible parle de plaire, la Bible ne parle pas de ses convoitises, réaliser ses convoitises. Comme un homme qui irait au marché pour acheter les pantes. Le caleçon sexy que porte avec les jupes pour qu'il marche, qu'il soit sexy. Donc, le tenant d'entraînement, le différent mot, c'est qu'il marche avec sa femme pour savoir que sa femme est sexy. Il dit, quand il voit, j'aime voir la femme, les filles qui allument. Elle allume quoi? C'est pas le feu de la passion. Donc, dis à ta voisine que tu n'es pas une allumeuse. Ne sois pas une allumeuse. Mais sois une éteigneuse. Et pour être une éteigneuse, il faut éteindre tous les endroits du corps qui peuvent allumer. Que Dieu vous bénisse. La femme sage façonne sa vie dans la dignité, mais l'insensé se confond dans l'immoralité. C'est ça. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons le garder propre. Madame Solange Mango, tu es la mère des enfants. Combe de malheur. le trésor, le diamant que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. La nudité, le symbole de la malédiction. Adam et Ève, les premiers hommes, sont témoins. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des habits avec des peaux de bêtes. Si d'amour, hein? C'est de la femme que la société se forge. Déjà à la base, elle peut bien éduquer. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. Aïe, aïe, aïe, c'est un sujet à revoir, hein? On les voit exposer le corps de l'homme sans se soucier des dégâts que cela cause à la société. Les viols, les obsessions, la destruction des mariages, pourtant elles aimeraient être aussi casées. Ah bon? Tu veux te marier, hein? Danya yeme ta wolembe, damye nenya yelembe. Justice a déjà vu, John a déjà vu, approuvé sans le port. Zanya y est le boy, tu viens là que Dieu va le mieux. Tu as déjà mis ton corps au service de tout le monde. Valdo a déjà vu Roumenigo Anderson. Sergio a déjà vu Hakim Kolo en chef. Alors que l'honorable François et sa Bernard Tapie a déjà parlé fatigué, il a même tapé, il a même botté, il a fouetté vers son épouse. Aïe, aïe, aïe. C'est grave, honorable. Une grave maladie sévit dans notre société. Ah, la maladie la plus difficile, hein? Ah ouais. Donné. Yes, yes. Au lieu de s'habiller normalement, elle laisse les parties sensibles de son corps dehors, attirant ainsi des psychopathes, yes, yes. Des obsédés sexuels, des sidères et même des snake men, c'est-à-dire hommes serpents. Pourtant Dieu, en créant la femme, yes, yes. La Bible dit qu'il a pris la côte de l'homme. fais quoi, tu es la côte des hommes. Yes, yes. Et Ève était très, très belle. sont belles, les femmes. Mais alors, ma fille, ma soeur, quand tu vends à la sauvette toutes les parties sensibles de ton corps et tu souhaites accomplir la volonté de Dieu par le mariage, comment penses-tu que l'homme de ta vie aimerait se retrouver devant une femme où mille autres hommes peuvent décider? C'est un scandale. Yes, yes. Oh. Yes, yes. Yes, yes. Le dos dehors, les seins dehors, yes, yes. Les cuisses dehors, yes, yes. Le nombril dehors, yes, yes. Pourtant c'est les parties du corps que Dieu t'a donné pour séduire ton homme et pour bien le garder. Ayombadé, le viasse viasse si a fini tout le monde. Ah, c'est pas vrai. Bonne femme du Nigo. Simane et Djako. Il ne te promet d'ailleurs, mais il m'a né vivo. Djoumenda mané assis, me ma djounana djoué papa. Ayo ma janda ma kama, ma jo nana jo e papa. Ouais. Ado bon ami no ma besse, Elumbu ya besse e papa. Il tire sur tout ce qui bouge. Ma mame benga tinga ben femme, ma me ya se e papa. On appelle ça c'est miremoque. Azam zavolo bon, na di bon du guine papa. Ya amenda mazabete ba kwa ye kone be bobe baba.